officielle de Génération 97 fait gronder les basses sur Trace FM. Trigger. I've been grinding that side all day with my niggas, and I ain't going in. That's on with my nigga, my nigga, my nigga, my nigga, my nigga, my nigga, my motherfucking niggas, my nigga, my nigga, my nigga, my nigga, my nigga, my nigga. Yeah. First thing first, I love all my niggas. This rap shit cracking, I involve my niggas. You looking for some money? Let me call my niggas. He selling for the high, I need all my niggas. Some niggas smoke, smoke, some niggas drink, drink. Got niggas on the block, what they like they don't think. That's a nigga back up, they in a bucket laptop. I got to act right if you niggas wanna act up. He talking like a snitch, no, that ain't my nigga. He tripping off a bitch, no, that ain't my nigga. That's my nigga, New York, yeah, that's my nigga, yo, shit. Baby, I'm the man, I'm a couple hundred bands, I'm villa and a mansion, I'm that new. Before, le before, le before, pendant une heure, Tijo s'en mixe tes hits préférés sur Trace FM. When my girl, girl, I got the mojo. See you, double tap the photo. She ain't in the logos. Nope. Living single like Maxine, I'ma have her singing like Coco. In the knees. Can't cut me. You know who to call when your man Duval too smart, no lacing. Cause I'm up 000 comma. Heard you looking for a sponsor. Then you gon' have to ride this anaconda. Baby, I'm the man. Couple hundred bands on the car. Villa in a mansion. I'm that new. I'm that. When my pretending that we've been getting to it all night. I'm off so much liquor. Probably did a couple things that my girl won't like. Red light, white light. Gotta slow it down, get my head right. Try and take it to the hotel, yeah, right. Talking about she won't tell, yeah, right. En mix tes hits préférés sur Trace FM. It's about that time. What time is it? Émission dans 30 secondes. Allez, bon Dieu! Vite, on a qu'une fenêtre de tir de 30 secondes. On s'équipe, les gars. Appuie sur le bouton. Quel bouton? Quel bouton? Il y en a des millions de boutons. C'est parti. C'est nous. Vous êtes quoi? Une bande de super-héros? Lui, c'est Yannick, notre chef qui n'a peur de rien. On les vanne, on les piège, il faut que ça saigne. Nessie, c'est la brute épaisse. Pourquoi moi? Pourquoi vous m'embêtez, les gars? Enfin, bref, passons. Sabri, c'est un vrai génie. Et moi, c'est nous, le double H élégant et irrésistible. Et mec, ça te dérange pas si on démarre l'émission? Bref, on est la génération 9-7. Lancement. Trace. Guadeloupe, Martinique, Guyane. Prends la parole dans la première libre antenne des Antilles Guyane. Génération 9-7. Bonsoir tout le monde. Salut. On est de retour, Mada, Guada, Yana. C'est parti évidemment pour 3 heures de radio libre, pour délirer, pour parler sérieusement, mine de rien, en plus. Bah, la rentrée, c'est vraiment l'actualité qui nous rattrape. Je dis ça, je dis rien, on en parle dans un petit instant. Merci d'accueillir la Miss Nessie dans le Trace Studio. Salut Yannick, ça va? Ça va bien. Ouais. Bonsoir Sab. Hello, hello. Bonsoir Mister Gugo. Salut, Gugo. Ça va? Go. La Miss Lilou est également avec nous ce soir dans le Trace Studio. Et Keshi derrière le standard, installez-vous. C'est parti, hashtag G97, at Trace FM, collection sur les réseaux sociaux. Mada, Guada, Yana, avec évidemment du cadeau. Ouais, et on big up aussi tous les auditeurs qui sont déjà sur Snapchat, ils nous suivent. Il y a Stacy, il y a Chris, Fanou, The Cookie, Tidadou, bref. On vous invite, c'est Trace FM 97, notre Snapchat, on vous attend. Ta Nike Air Max à ta pointure. Moi je dis ta Nike, comme ça si on t'en offre qu'un côté, on peut doubler le nombre de gagnants. C'est évidemment ta paire de Nike Air Max qu'on t'offre dès que tu entends DJ Fly avec Cécile et 7 hits enchaînés. À Yuji et Mister Easy, c'est à Dance For Me, c'est le double hit Trace FM. Vous faites le 0820 203 200 dès que vous l'entendez sur Trace. Allez, vous débarquez évidemment, il y aura du cadeau. Et il y aura aussi, malheureusement, on aurait bien choisi de faire autrement, des choses très très sérieuses dont on va parler ce soir pour commencer. On commence par une petite breaking news et pas des plus agréables. Ça se passe du côté de Bainbridge, on est en Guadeloupe, on est quoi ? Une heure et demie, une heure, je sais même pas le temps qui s'est passé exactement depuis cet incident, ce truc simplement horrible qui est arrivé à un jeune lycéen qui sortait tout tranquillement en fait de cours. Le résumé, c'est avec Nessie, c'est une sale breaking news. Oui, 15 ans, il s'est fait tuer près du lycée de Bainbridge. Il a été braqué pour son portable, il aurait refusé de le donner et l'agresseur l'a donc frappé à la gorge avec un couteau. Il n'a pas survécu à ses blessures et les policiers et la brigade d'anticriminalité, ils sont tous à la recherche de l'auteur de cet homicide. Alors visiblement le quartier, évidemment en passant par du gazon, tout est un petit peu quadrillé, on est un petit peu à la recherche en fait visiblement. C'est un truc super choquant parce qu'on est quoi ? On est à quelques jours de la rentrée générale, c'est consommé, les gens rentrent de l'école, c'est vrai qu'effectivement, c'est la rentrée un petit peu pour tout le monde, y compris, mais moi ce qui me fait surtout halluciner, c'est le prix que coûte une vie aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un mec à qui ça pose aucun problème, en fait, de tuer pour un téléphone portable. C'est-à-dire... Il n'est pas à lui, en plus. C'est-à-dire qu'il n'est pas à lui. Parce que c'est pas son téléphone portable. Oui, parce qu'il aurait pu vouloir récupérer son téléphone. À la limite, que quelqu'un te prenne le téléphone et qu'à ce moment-là, il y a une réaction. C'est un motif pour un meurtre ? Non, c'est pas un motif pour un meurtre, mais au moins, il y a un motif d'énervement. Là, il n'y a même pas ça. Tu t'amènes, tu demandes au mec son téléphone. Ah non, mais tu parce qu'il te donne pas. C'est régulier, c'est comment ? 0820 203 200. Alors, forcément, il y en a parmi vous qui sont sous le choc parce qu'évidemment, ils ont vécu cette sortie. De manière directe, des images évidemment à l'heure où la viralité des réseaux sociaux est avérée circulent de partout. Les images d'ailleurs des derniers instants en fait de ce jeune garçon, c'est à peine quelques jours de rentrée, c'est déjà un homme à terre pour des mauvaises raisons. C'est d'ailleurs tous les gens sur les réseaux sociaux qui vont de leur petit mot parce que véritablement ça a l'air de choquer beaucoup de gens et on le comprend. 0820 200 hashtag G97 hashtag TraceFM. Mais toi t'en penses quoi? Vous le connaissiez peut-être, Mala, Guada, Yana. C'est vrai que c'est le lot malheureusement de la rentrée. Je déteste cette phrase. J'aime pas cette phrase. C'est comme si genre forcément rentrée rimait avec violence. Mais il y en a évidemment qui s'expriment sur les réseaux sociaux et peut-être toi. Et en sortie passée là, le couvert bougain en bois en drap blanc, les gars. Donc sur mon bouga moi. Hashtag G97, hashtag TraceFM 0820 203 200. On aura Tijo également derrière les platines tout à l'heure. C'est vrai qu'on aura l'occasion de sourire dans cette émission, mais au début, là, franchement, on n'a pas terriblement envie. 0820 203 200, mais aussi sur les réseaux sociaux, hashtag G97, hashtag TraceFM. Témoin, vous le connaissiez, vous avez quelque chose à dire. Mine de rien, si on reste à faire comme si c'est normal, je suis pas sûr que ça s'améliore. On vous attend au standard de Génération 97. Ici, c'est la libre antenne des auditeurs. Elle est faite par toi. Pour toi. Chez toi. Avec toi. Et une petite pensée particulièrement à ce jeune homme qui malheureusement aujourd'hui a perdu sa vie pour une histoire de portable. Toi, t'en penses quoi? Vous êtes les bienvenus sur Madag, voilà Yana. OMG. Comme un foie et l'île pour mort. Pour qu'elle nous prend conscience. Prends-moi pas café et vomette. Touche au caplène, nos que jeunesse en nous en errance. Éducation ni en défaillance. Tout le monde qui a subi violence là en silence. Qui est toujours coulé. Comme un foie et les poumons. Pour qu'elle nous prend conscience. Prends-nous pas café et vomette. Touche au cap plein d'eau que je naisse en nous en errance. Éducation ni en défaillance. Tout le monde qui a subi violence là en silence. Sans qui est toujours coulé. Il est fait à con chaque fois. Il tient la rue là hier soir. De toute façon, pas ni rien à faire. Il a gué l'école, il trouve j'aime pour Pôle emploi. Les gars travaillent pour patron. C'est plié pour payer, yo capote pour couillon. Les gars dégnent formation. Tous les jours c'est cop, tous les jours c'est tentation. Maman ici c'est toute la journée. En télé-novelle, amende et petit frère. Papa est toujours allongé. Attends, on vivait tout le monde pas en live. Sans repérer ses faiblesses qu'il en mode. Godeye une poutre pour braquer pas si thug. Jusqu'au jus tombé si y'en pas commode. La vie pas en film de Spielberg. Comme un foie et ni pour mort. Pour qu'elle nous prend conscience. Prends-moi pas café et vomette. Touche au cap plein d'eau que je naisse en nous en errance. Éducation ni en défaillance. Tout le monde qui a subi violence là en silence. Sans qui est toujours coulé. Comme un foie et ni pour mort. back et boucle. Y a plein de temps la journée qu'on l'ennuie depuis puis ça collait votre faire business mauvais trip pour Google ça t'entend vu la pièce en pli c'est l'idée qui n'est tout femme et jabon j'allais j'en ai assez les amitiés si on a géré qu'à réfléchir mais tout ça au passé est-ce que ça qu'a vint des puissants dangereux pour soyer notre été chapon que les gens nous bien changer pour voir nous bien à tout gagner ma femme m'a égaré et qu'a parlé mon téléphone pour qu'attraper un autre. Dis pas chercher, pas fait ni un été. Allez, fusillé, pas de me laisser parler. Femme la courir, pas de me fait tailler. Si tu sais ça, il fait après. Combien de fois il y a pour moi? Pour qu'elle nous prenne conscience. Pour qu'on ne pas qu'à faire, il faut mettre toujours qu'à plein de jeunesse en nous en errance. Éducation ni en défaillance. Tout le monde a subi violence là en silence. Sans que toujours couler. Comme pas café, faut mettre tout choc à plein nous que jeunesse en nous en errance. Éducation ni en défaillance. Tout le monde a subi violence là en silence. Sans que toujours couler. Combien t'es monnaie pour moi? Pour qu'elles autres prennent conscience. Sans que toujours couler. Combien t'es monnaie pour moi? C'est bien si bois qui bouge à prendre. Oui, comment? C'est bien si c'est des pures SDF, amis. Ah ouais, ça va déconner, man. Bon, pendant ce temps, c'est bien si qui bouge à prendre un taco. C'est bien si qui dit, hé, bon taco, descend, retour là, bon taco. Parce que taco, on dit, pour avoir un taco de 19 euros, on mettait 5 centimes, c'est quoi? Il y a eu à peine 5 centimes d'euros aussi, et on mettait 5 euros aussi. C'est pas écouté, maman, c'est bien si. Guadeloupe, Martinique, Guyane, un coup de gueule, un délire. Le soir, exprime-toi librement au 0820 203 200 dans Génération 97. Bon, ça vient de se passer, 0820 203 200, c'est encore chaud. Évidemment, toute la communauté est encore sous le choc. Ça discute beaucoup sur les réseaux sociaux, ça discute également sur Trace à propos de ce jeune lycéen de 15 ans. Ils étaient un groupe, hein, en fait, à s'être fait braquer visiblement par ces individus. Mais il y en a un qui a payé le prix le plus fort. Concrètement, on parle de 7 coups de couteau. Alors, on va prendre toutes les informations qui nous arrivent au fur et à mesure, quand même, avec des pincettes. Ah ouais, avec des pincettes, parce que mine de rien, c'est... Oh, c'est alors ça s'engage déjà. Il y a des gens qui parlent de milices, d'aller régler le problème eux-mêmes, que la justice ne peut rien, qu'il faut que ce soit les parents d'élèves qui s'organisent. 7 coups de couteau pour un téléphone dans la gorge, en fait. Moi, je sais pas. Parfois c'est une chaîne, parfois c'est un téléphone. Alors c'est vrai que les excuses ne manquent pas, mais excuse-moi, je suis désolé, mais les excuses aujourd'hui, c'est enfin la vie d'un homme, ça vaut vraiment pas cher. Pas grand-chose. Il y a encore quelques années en arrière, peut-être aussi d'une part parce qu'on entendait beaucoup moins parler avec les réseaux sociaux, tout ce qui est viral, mais maintenant c'est plus un fait divers, un homicide, c'est hebdomadaire. Ça reste du domaine du commun. Si on fait le compte entre la Guadeloupe et la Guyane, il n'y en a pas tous les jours non plus, heureusement. C'est trop fréquent pour être qualifié de fait divers. On est déjà à 22, je ne sais pas à combien de semaine de l'année on est, mais il n'y en a que 52 dans l'année, quoi. On est à 22. Oui. Et si tu fais le compte sur les trois départements, c'est énorme. On a Cici qui dit d'accord avec vous, on dirait que la rentrée, ça rime souvent avec violence. C'est déprimant tout ça. On a également Princesse Mayou qui dit que véritablement pour elle, l'histoire d'un téléphone, c'est pas ni une excuse, ni un argument valable. À un moment ou à un autre, elle espère juste qu'on va choper les gens et qu'ils paieront le prix de ce qu'ils ont fait. Même si certains pensent que juste faire de la prison, ça ne suffit pas. Il y en a qui trouvent, je te jure, hein, ça discute là en ce moment même, il y en a qui trouvent que genre les prisonniers, ils sont peut-être trop bien en prison pour avoir finalement peur d'y aller. Il y a d'autres réactions également sur le web. Ouais, tu as Loulouche qui dit « Je me mets à la place de la maman juste 2 secondes, ça fait froid dans le dos, je suis sur le cul. » C'est Loulouche qui dit. Ashley dit « J'en ai des frissons, 0820, 203, 200 également sur le net, www.trace.fm. » Est-ce qu'on a le prénom de ce jeune garçon? Pas encore. Toujours pas. Alors par contre, il y a plein de choses qui circulent déjà sur le web, notamment des photos des présumés agresseurs. Nous, on a choisi de pas diffuser cette photo parce que pour l'instant, l'information, elle n'est pas vérifiée. Mais à un moment ou à un autre, Est-ce qu'on n'est pas peut-être en train d'assister à un des premiers, entre guillemets, règlements de compte ou de justice par soi-même sur les réseaux sociaux? Faites gaffe quand même, imaginez deux petites secondes avant de partager cette photo que ce ne soit pas les gars concernés. À un moment ou à un autre, il faut vraiment que ce soit prouvé. À la limite, je saurais trop vous conseiller de laisser la police faire son travail, peut-être. Mais à un moment ou à un autre, imaginez que vous diffusez des photos des personnes qui ne sont pas concernées par cette agression. Le nombre de trucs en conséquence que ça peut enchaîner derrière. Ah, ça va faire une réaction en chaîne, à œil pour œil, dent pour dent. Plus personne ne sera là après pour témoigner plus tard. Il n'y aura plus personne si on fait comme ça. 0820 203 200, également sur le net, www.trace.fm par texto. Vous envoyez trace suivi de votre message au 97 000. Un lycéen tué pour un téléphone portable. On a décidé d'ouvrir sur ça. On peut pas faire l'impasse. C'est la rentrée. Malheureusement, c'est la rentrée également des sales histoires. C'est certainement pas en restant dans le silence que, a priori, ça pourrait s'améliorer. Je crois que le texte de Dali n'a jamais aussi bien retenti que particulièrement ce soir. Vous en pensez quoi? Vous le connaissiez peut-être? 0820 203 200. Je sais que tout le monde a envie de s'organiser pour faire quelque chose, pour qu'on n'ait pas l'impression qu'il ne se soit rien passé cet après-midi et qu'il soit tombé dans l'anonymat le plus total ou l'indifférence la plus totale. En même temps, bah ça s'organise, ça s'exprime. Votre point de vue, votre colère, peut-être laissez-la exploser pour que ce soit bénéfique et que vous fassiez pas un truc à chaud, un coup de sang, comme on appelle. 0820 203 200. On va brancher les platines deux petites secondes, le temps d'organiser le standard. On va débarquer avec du Admiralty, My Queen. Allez, mets-moi du son, peace, cool. 0820 203 200, c'est Tijo derrière les platines. On revient, à tout de suite. Trace FM. En ce moment, Trace FM te sape pour la rentrée. Cette semaine, ta radio t'offre ta paire de Nike Air Max. Ta paire de Nike Air Max. Toute la journée, dès que tu entends ça. À la suite. Appelle-nous au 0820 203 200. Lance la trace roulette et repars avec ta paire de baskets Nike Air Max au pied. Plus d'infos, trace.fm. Vous êtes étudiant, vous êtes enseignant. DigiLife vous offre 10% de remise exceptionnelle sur le tarif métropole pour l'achat d'un nouveau Mac. Vous pourrez également essayer tous les iPads et tous les iPhones dans les meilleures conditions et profiter de nombreuses offres spéciales rentrées. Nos experts Apple vous apporteront des conseils personnalisés ainsi que tous les services et garanties que seul un Apple Premium Wrestler est à même de vous proposer. Rendez-vous dans les magasins DigiLife, centre commercial Génipa du Causse ou la Jambette au Lamentin et sur digilife.fr. Offre valable jusqu'au 15 octobre et soumise à conditions. Eh ben dis donc, on se fait plaisir là. Alors, toujours en vacances? C'est vrai qu'à ce prix-là, on s'y croirait. Chez Burger King, le menu Whopper Junior est à 4,20€. 4,20€? Voilà encore un peu de vacances pour ton porte-monnaie. Burger King, le goût est roi. Pour votre santé, bougez plus. Ici, au 96-300, dans tous les coins de l'archipel, t'attendent des centaines de gens qui, comme toi, veulent trouver l'amour. Ici, ICI, au 96-300, consulte les profils d'hommes et de femmes de toutes les Caraïbes. Alors envoie par SMS, ICI, au 96-300. 50 centimes plus prix du SMS DGP. Le soir, c'est totale libre expression sur Trace FM dans Génération 97 avec ton amigo en mode déter déter. Amigo fun and fruity life. Fun and fruity life. Soir, ta radio se lâche, tu peux tout nous dire. Trace FM, Génération 97, ta liberté d'expression au 0820 203 200. Sell the car, yeah, but it's nice, it's cool, it's sweet, a princess. Nom gaboutise, parce que sa femme qu'on libère, c'est ni en le site. Fais tout ça, yo, paye, yo, fais back, belle auto, exposé, signe des richesses. Mais toi, la pas materialiste, na. She is a queen, yeah. My queen. Mais merci à notre planète. Où vous faites moi check y'a confiance à confier moi les manettes. Moi qu'à promettre vous d'être honnête. Chantez bar baby pour qu'on garnette. Et l'heure temps de minuit nous qu'elle disparaître. Pour retrouver nous tous les deux en toute intimité. Pas qu'il n'a rien qu'à poster si internet. If you feel like you have me wrapped up around your little finger, you're wrong. And everybody feel as if I you lick me. seen a girl like you, you're hotter than the sun. Hotter than the sun, girl, you're hotter than the sun. Me and you together in the islands having fun. Under the influence of sweet coconut rum, girl. Magical vibe, I don't want to be done. I need to give me your love. And she left me, I know. Saying she's gone to stay. Yo, my princess gone, far, far away. And she left me, I know. She all forget about the royalness. A friend of company, she all follow me get the tip. Yo, round about, she just a gun, she just a skip. So what happened to the others, where you know you used to keep? So what happened to the king, where you used to be with? Yo, well, me sister, that a hand, a loyal, she just gone far, far away. Na, na, na, na. Just the other day, she said, boy, I gotta give you something from her body. And I said, baby, quickly. She said, don't want you to tell nobody that I gave it to you so easy. I said, with me, baby, you don't need to worry. She said, she never felt so right. I said, yes, baby, breathe on me tonight. She never felt so right. I said yes, and baby, bring it on me tonight. Woman of my dreams, you become reality. Out of my subconsciousness and my immortality, I'm the happiest man in the world because I am before my God. And I promise you, my baby, I'm gonna take you on tour. Facile de tes deux qui fait un geste pour m'aider. Vous savez pas faillir, ça qui fait pas verser. Même Jean Yoti ou qu'elle a fumé, pas qu'elle s'en dit fait. Ouais, jeunesse en nous, bise rempli poussé. Ça nous s'y met, nous récolter, nous ni ça nous mérite. Oh, j'avoue un papier, mon go, qui n'est qu'à pousser. Ça tellement plus facile, j'ai des fautes, merci les autres. Mais nous pas qu'à vrai, ça qu'engendre des ordres. Anti-monde, c'est un livre blanc, croyez que si ça ouvre l'idée, mais maman et papa prend garde, tu es un bel petit à ouais des mains. Pas j'ai oublié que c'est jeunesse qui espoir ouais des mains. Continent, sans nous t'es gêne, qu'on m'a y'a qui vine, qu'on vous olie ou j'y moi essayé de nous. A papon, côté ça qui mène, de nous ça qui plie. A je continue, sans nous t'es gêne, qu'on m'a y'a qui vine, qu'on vous olie ou j'y moi essayé de nous. Nous vivons son check en vibe. Ni l'homme du coup, la nuit du coup si tight. Génération 9-7. Champagne sur la table. Une galou dangereuse ou impeccable. Obligé ou faire you tout péter en câble. We love you, gala. J'ai pour inévitable. Amis, la veuve, mais ils abandonnent la veuve. bébé, la bébé, la bébé, elle dit à comme la bébé, la bébé, la bébé, à la Sénégal, la bébé, la bébé, c'est mon ami, à Caraïbes. C'est ton préféré qui n'a pas de mes combats dans sa tempé. Move your body, il n'a pas de mi à tes DJ, daddy. Pour le plus on, il n'a pas de mi à beaucoup d'ambition. Well, my two, well, my judge, just elle dit à comme tel. Il fait un son, check en vibe. We love the pool, I need the pussy tighter. Pas ni fake, pas ni liar. Chopin sur la table. Bon, why believe me? Bon, par un walk it easy. Bon, un walk it far de garde. Bon, a fait tout bête pour arriver paradise, yeah. Du fait qu'ils m'ont pas les deals qui disent. Tous les jours, mon car rise up, mon vibe. La Guyane, mon guerre, on chez people. Lada, pour ça, mon car rise up, mon level, man. Où que tu sois, Mada, Guada, Yana, il y a Tijo derrière les platines pour jouer les sons. Et ça, c'est l'actualité qui lui inspire cette sélection. 0820 203 200, un jeune est tombé, 15 ans, devant son lycée, sortant tranquillement pour se faire subtiliser son portable qu'il a refusé de donner. Il a pris 7 coups de couteau dans la gorge, c'est encore très très à chaud. 0820 203 200, il ne survivra pas à ses blessures. Beaucoup de gens sont choqués, beaucoup de gens s'expriment. Il débarque dans un petit instant également au standard de Trace FM. Et tu es même quand tu veux l'éviter, boy. Mais la vie a c'est pas conseillé d'aller venir vivre par les bancs. Hey. Génération 97. Guadeloupe, Martinique, Guyane. 100% radio libre. Tous les soirs sur Trace FM. C'est vrai que dans cette émission se côtoie l'humour, la bonne humeur. Et parfois aussi forcément l'horreur. L'horreur, c'est aujourd'hui avec notamment cette breaking news. Ça s'est passé devant le lycée Bainbridge. Oui, un lycéen de 15 ans qui s'est fait tuer près du lycée Bainbridge, braqué pour son portable, pour obtenir son portable. Il aurait refusé de le donner et il a donc été frappé à la gorge avec un couteau. Il en est mort. Et là, les policiers recherchent l'auteur de ce crime. Alors visiblement, le quartier est en train d'être écumé, oui, quelque part. C'est vrai que la population est appelée à aider, pas à gérer elle-même ce problème, à aider éventuellement à signaler. Il y a un truc très très spécial, c'est qu'aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux, il y a pas mal de photos qui circulent aussi, des présumés auteurs de ce braquage. En fait, l'histoire commence comment? Visiblement, il y a déjà eu une série de braquages et visiblement, ces gars-là se sont déjà illustrés et il y aurait des photos en fait qui auraient été prises sur leurs réseaux sociaux personnels. C'est-à-dire que les mecs, en fait, limite, aucun problème à s'afficher, à faire le represent, un petit Instagram, tiens, voilà. Et cette photo a été récupérée. Cette photo circule dans les groupes WhatsApp. Je vous demande juste, en attendant évidemment que l'identité de ces gens-là soit confirmée, parce que effectivement, si l'identité est confirmée, ça sera une vraie information que vous pourrez partager. Par contre, s'il ne s'agit pas des gens concernés par l'agression de cet après-midi, vous risquez de mettre en danger des gens de la population, même s'il y a de la haine, même s'il y a de la rage, même s'il y a de la colère. Pas réagir complètement à chaud. Il y a beaucoup d'informations qui arrivent en même temps. On parle de 7 coups de couteau. On parle d'un jeune homme qui est mort, qui ne survivra pas en tout cas à ses blessures. On parle d'un groupe de gens qui ont été agressés. On parle d'agressions régulières. Ça ne concerne pas que le lycée Bainbridge. Vous pouvez être à Bellevue, vous pouvez être à Malchior, vous pouvez vous retrouver à Gerville-Riage. Ça peut arriver. C'est vrai que visiblement, dans la zone qui concerne Jardin d'Essai, mais aussi Bainbridge ou encore Saint-Georges, forcément, il y a des gens qui n'hésitent pas à pointer là à chaud le fait que les quartiers tout autour soient peut-être un petit peu chauds. On parle de la Croix, machin, etc. Je crois que c'est encore tellement facile de rapidement céder à l'amalgame et de mettre ça sur le dos de la Croix, je sais pas. En même temps, ce jeune garçon, pour l'instant, qui n'a pas de prénom qui circule, je trouve qu'au moins, même si les réseaux vont vite, je trouve qu'au moins il y a un peu de respect sur la famille, sur ce jeune homme. Mais en même temps, ne prenez pas tout au premier degré de ce qui peut circuler. Attendez que les informations soient vérifiées. On est vraiment aussi à chaud en train de gérer cette situation, en train de recevoir des appels au standard. On a Mister Officer qui nous rejoint du côté du standard. Bonsoir mec, allô allô, tu nous entends? Allô? Oui, bonsoir. Ok, oui, je vous entends. Comme son nom l'indique, tu es gendarme. Et on a quelques questions pour toi. Tu as forcément eu vent de cette histoire. Pourquoi aujourd'hui des téléphones portables sont encore des objets de convoitise alors qu'on est censé pouvoir géocaliser, de rendre ses téléphones portables inutilisables. Pourquoi le téléphone portable est encore un objet de braquage? Alors, le portable est un objet de braquage parce que de plus en plus maintenant, vous rendez compte avec tous un portable, qu'avec un portable, on peut tout faire. Il coûte de plus en plus cher. Donc, je ne pense pas que ce soit un portable à moindre coût qui a été volé. Donc, maintenant, pour géolocaliser les portables, parce que ce serait facile, ce serait beaucoup plus facile en métropole que chez nous, mais ça coûte trop cher à le faire. Donc, les réquisitions sont lourdes, ça prend du temps et c'est cher. Donc, les portables ne sont pas retrouvés rapidement. Donc là, je pense que vu la conséquence quand même est assez, les portables, ils vont être géolocalisés. Ils vont tout faire pour le... Si je peux me permettre, Mister Officer, en fait, on a tous les moyens pour repérer le portable, genre au mètre près, mais en fait, ça coûte trop cher par rapport à la valeur du portable que de lancer la recherche ou la géolocalisation en fait du téléphone. Voilà, tout à fait. Donc après, s'il s'agit d'actes, bah là, c'est un acte quand même assez grave, puisque le jeune homme il en est mort. Donc si c'est un simple vol de portable, vous n'allez pas retrouver votre portable comme ça. Sauf s'il sert pour une affaire, il sert pour plusieurs autres choses. Ouais, mais du coup, ça incite quand même les personnes à recommencer. Comment ? Ça incite quand même les personnes à recommencer, vu qu'on ne risque pas de les retrouver. C'est pas qu'on ne risque pas de les retrouver. On risque de les retrouver. C'est qu'on ne fait même pas l'effort de le faire. Les gens, en fait, en plus, ce qu'ils font, ils se disent, bon, bah écoutez, je me suis fait voler mon portable. Ah oui, ça me fait chier d'aller au commissariat ou à la gendarmerie de déposer plainte pour retrouver mon portable, c'est pas grave. Surtout si une fois arrivé à la gendarmerie, après avoir perdu 2 heures, 3 heures pour la déposition, on s'entend dire qu'on va pas faire plus de recherches que ça. Alors par contre, j'ai cru comprendre. Oui, et surtout en plus que toutes les pièces qu'on va vous demander, tout ce qu'on vous demandera, des fois vous n'avez pas tout de suite. Alors, le retrouver le portable ou le géolocaliser, j'ai compris que ça coûtait trop cher. Mais par contre, il y a des choses que vous pouvez faire. Quand vous récupérez, par exemple, les numéros de série, en fait, des téléphones portables, vous pouvez les faire bloquer par l'opérateur, non? Ou c'est juste la puce? Oui, ça ne concerne pas le téléphone? Oui, on peut le faire bloquer par l'opérateur, certes. Mais, comme je vous dis, le portable, il peut être retrouvé. Si là, demain matin, une puce est mise dans ce portable, on va retrouver, on va savoir à quelle heure la puce a été mise et quels ont été les numéros qui ont été appelés à partir de ce portable. Ok. Ce que je comprends pas, par contre, c'est si on a les moyens de rendre l'agression pour vol de téléphone inutile car on rend le téléphone obsolète, pourquoi on est obligé d'attendre qu'il y ait un meurtre pour essayer de mettre ses moyens en action? Excusez-moi du terme, mais c'est stupide. Oui, mais bon, ça ne dépend pas de nous. Après, je vous dis, une acquisition, ça coûte cher. C'est comme, je ne sais pas, je vous donne un exemple de bien simple. Les chèques, maintenant, qui sont bientôt obsolètes. Vous faites un chèque pour une valeur, je ne sais pas, vous allez à la station, vous faites, on va dire, 50 euros dépense. Le chèque, il est en bois. Ça va coûter plus cher aux gérants de la station de faire une démarche contre vous pour un chèque en provision. Il va devoir prendre un avocat. Vous savez comment ça coûte un avocat? Donc au final, en fait, il va faire passer ça dans les pertes de sa journée plutôt que de s'emmerder à faire et de la paperasse et de l'administratif et en plus d'engager des frais. Comme vous dites. Là, il y a des choses qu'on peut faire pour pouvoir retrouver les portables facilement. En plus, tous les portables que nous avons maintenant, ce dernier, il y a des applications où... Vous avez la photo de l'agresseur ou pas de l'agresseur, du voleur. Alors, on a vu ça, effectivement, en Guyane, à Kourou, ça s'est passé. Il y a un mec qui a volé un téléphone portable qui était équipé d'une application qui, normalement, lorsque tu tentes, en fait, de débloquer le téléphone portable, ça prend une photo de son visage et ça l'envoie, en fait, par SMS à un autre numéro ou par WhatsApp à un autre numéro. On a un ordinateur portable, la géolocalisation. On a et la photo et la géolocalisation parfaite de la personne qui a volé le portable. Et donc, il faudrait installer ça sur les portables. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, c'est un peu de notre faute, en fait, c'est ça. C'est ce que tu es en train de dire, Mister Officer. L'application, c'est quoi? L'application, c'est Face Capture. Comment ça s'appelle? Face Capture. Face Face Catcher, je crois. Catcher. Tu sais quoi, on va vous le publier, le lien, dans un petit instant. Parce que j'ai un pote qui fait ce boulot-là aussi le week-end. C'est-à-dire Face Catcher. Ouais, non, mais c'est pas ça. Bref, ok. Hashtag G97, hashtag TraceFM, 0820-230-LEÇON. Il y a vos réactions sur les réseaux sociaux. Ouais, on a Mademoiselle Sissi qui dit: de nos jours, sur la route, tu regardes mal quelqu'un, tu sais pas si la personne va s'arrêter, dégainer son fusil ou un couteau carrément, quoi. Tu es un jeune pour un téléphone, c'est flippant. Rest in peace à la famille. C'est de la part de Laurie. Et puis on a Little Mum qui dit: perso, régler par soi-même, c'est carrément pas la bonne solution. Je sais que les gens seraient tentés d'organiser des milices. Je pense effectivement que la famille, la première, a très envie d'obtenir réparation, même si ça ne ramènera pas leur fils. C'est surtout pas la bonne solution pour elle. Je ne sais que penser sur le coup. Le son de Dali m'a fait pleurer. C'est Little Mum qui envoie ça. Mister Officer, on a des réactions qui arrivent au standard. J'ai d'autres petites questions quand même, rapidement. Ça veut dire que concrètement, là, aujourd'hui, ce téléphone portable qui a fait par exemple l'objet, qui est lié à un meurtre, parce qu'aujourd'hui on parle de ça, il est lié à un meurtre, c'est, tout va être mis en œuvre à partir de ce moment-là dans la géolocalisation, tous les moyens vont être mis en œuvre, un petit peu comme disait Lilou tout à l'heure, c'est dommage, après que le sang ait coulé en fait. Et de manière fatale. Donc en fait, si on en revient à ton image de tout à l'heure avec le pompiste, la mort de cet enfant peut rentrer dans les pertes acceptables. Non, la mort de cet enfant ne va pas rentrer dans une perte. Aux yeux de l'État, pas au tien, je te rassure. Oui. Non, tout à fait, non, je comprends. Mais voilà, c'est vraiment déplorable, oui, voilà, d'en arriver là, pour que soit mise en place cette procédure afin de retrouver le portable. Donc tu es d'accord avec moi si je te dis que cette procédure devrait être mise en place dans un but préventif plutôt que dans un but d'essayer de retrouver des coupables d'un meurtre. Tout à fait. En même temps, on a bien conscience que toi, t'as les graines d'être là en même temps, mais tu es aussi une petite cheville ouvrière en fait d'un énorme système. Il y a de la colère, ça s'entend, il y a des questions, il y a des interrogations. C'est vrai qu'on le connaît peut-être pas nous forcément personnellement. Il y a des gens qui le connaissent, il y a des gens qui s'expriment. Aujourd'hui, Mister Officer, je vais te poser une question qui dépasse un peu le cadre de ton travail de gendarme. Qu'est-ce que tu penses, par exemple, des gens qui se disent: ce problème-là, il faut qu'on le règle nous-mêmes. Ces gens-là, il faut qu'on les retrouve nous-mêmes. Il faut qu'on donne une bonne fois pour toutes une bonne leçon. Il faut qu'on comprenne à un moment ou à un autre que certes, il y a la justice en laquelle on a cru et qu'elle est lente à réagir. Pas qu'elle agit pas, mais qu'elle est lente à réagir. Aujourd'hui, qu'est-ce que t'en penses de ces gens qui veulent s'organiser en milice et régler le problème eux-mêmes? Écoutez, je veux dire qu'aujourd'hui, ces gens-là, je les comprends, parce que je suis aussi père, j'ai des enfants, et on serait venu me dire aujourd'hui que ma fille ou mon fils ont été victimes d'une telle agression. Et là, c'est même plus une agression, parce qu'il est quand même mort, le gamin. Voilà, exactement. Que mon enfant a été tué pour un portable, franchement, je ne sais pas si mon devoir de réserve ou... tout ce que j'ai appris à la gendarmerie, j'aurais pu le garder, me contenir et ne pas partir moi-même à la recherche de l'auteur des faits. Bouge pas, Mister Officer. On a une dernière question qui arrive sur la web. On te la transmet dans un petit instant. Les réactions de Laurie qui nous rejoint. Elle est à Trois-Rivières, Laurie. Salut, bonsoir. Bienvenue dans Génération 97. Ah, pardon, c'est un garçon. Salut Laurie. On a Dédé également qui, elle, réagit depuis Fort-de-France. C'est vrai que ça bouillonne autour de Bainbridge, ça bouillonne autour évidemment de la Guadeloupe ce soir particulièrement parce que c'est le fait, c'est de là d'où ça part, mais ça concerne finalement tous les lycées, tous les établissements scolaires, un endroit a priori où on est censé trouver de la sécurité. À un moment ou à un autre, il y a une vraie question qui revient très souvent et on te la posera et on te donne le temps d'y réfléchir pour y répondre, Mister Officer. Il y a des gens qui demandent aujourd'hui pourquoi on sait que les sorties de lycée sont des zones à risque. Pourquoi aujourd'hui les rondes, c'est pas suffisant? Pourquoi un dispositif n'est pas mis en place pour véritablement protéger ces gens qui vont tranquillement avec leurs biens, mérités, peut-être payés par leurs parents, mais mérités tout de même, pour se les faire voler, pour se faire agresser et parfois y perdre la vie? Tu y réponds dans un petit instant, Mister Officer. Laurie, on t'écoute. Bonsoir. Bonsoir. En fait, j'appelle pour vous dire que concernant le braquage qui a lieu, que ça m'est arrivé aussi d'être braqué pour mon téléphone portable aussi. On en garde de toute façon un sale souvenir, quoi. C'était pas agréable. Ça s'est passé comment, mec? Tu peux en parler ou pas? Enfin, je peux en parler, mais en fait, j'ai déjà eu trois braquages pour trois téléphones différents. Ah, on t'a déjà braqué trois fois un téléphone, en fait? Oui. Ah, t'es sacrément victime, hein. Et du coup, aujourd'hui, ben, ça a changé ton comportement. T'investis moins dans le téléphone parce que tu te dis, genre, on va encore me le prendre. Est-ce que tu le laisses chez toi? Ouais, ou... c'est quoi, c'est quoi ta réaction? Est-ce que t'arrives à y aller sans avoir, sans réfléchir, sans avoir à faire des chemins dans ta tête et des chemins peut-être dans la vraie vie pour éviter les zones d'embrouille? Enfin, moi, je fais beaucoup attention depuis mon dernier braquage, qui a été quand même assez violent. Mmh. Et je peux dire que, Dieu merci, que les deux personnes qui m'ont sauvé, puisque sinon, j'aurais plus de téléphone à l'heure actuelle. Mais tu dis que tu fais attention maintenant. Est-ce que ça veut dire qu'avant, tu le sortais comme ça et tu n'étais pas vigilant? Est-ce que c'est parce que tu n'étais pas vigilant que ça t'est arrivé? Est-ce que tu mets ça sur le compte de l'imprudence? C'est vrai que j'étais pas vigilant aussi, hein, puisque... Tu le montrais, quoi. Tu montrais ton téléphone. Oui, je le montrais sans faire attention. D'accord. Il y a un truc qu'il a dit, ça m'a fait réagir. Il a dit « Je n'aurais peut-être plus mon téléphone sans l'intervention de ces gens ». Aujourd'hui, on est quand même en train de parler d'un garçon qui, lui, n'a plus sa vie. Est-ce que à un moment comme ça, c'est peut-être un peu polémique, ça va énerver tout le monde ce que je vais dire, mais est-ce qu'il vaut mieux pas lâcher le téléphone? Est-ce que c'est forcément soutirer les braqueurs? Parce qu'à un moment ou un autre, s'ils savent qu'ils peuvent récupérer, ben, ils viendront tout le temps. Est-ce que c'est tenir tête? C'est quoi la meilleure des solutions? Toi, t'arriverais à tenir tête? Aujourd'hui, tu te retrouverais face à une agression. De nouveau, Laurie. On pourrait presque dire que t'es rodé, mais ça suffit pas. Alors, J'ai pas compris la T'es rodé ou pas? Comment tu réagirais si ça se représentait encore? Tu garderais le téléphone, tu le lâcherais, tu le donnerais, tu ferais quoi? Tu tiendrais tête? Ben, je tiendrais tête, hein, ça c'est sûr. Au péril de ta vie? Oui, au péril de ma vie aussi. Mais qu'est-ce que tu fais de ton téléphone une fois que tu es mort, en fait? On t'enterre avec. Moi, je crois que je comprends un peu ce qu'il dit. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, Gogo, mais en même temps, t'es là, tu te dis, bon, ben voilà, à un moment ou à un autre, tu sais, tu vois tous ces espèces de films que tu regardes souvent au cinéma, là, machin, etc. Sur les écrans noirs, tu vois des histoires où quand tu dis, quand tu te couches devant un mec une fois, au final, tu deviens sa victime, tu sais. Ouais. Tu deviens sa chose, quoi. Le mec qui te dit que s'il te recroise, il va pas te demander d'autres trucs, tu vois. Donc t'as envie d'enrayer dès le départ. Alors, soit courageux, pour certains d'autres, ça c'est suicidaire, mais t'as envie quand même, en fait, à un moment ou un autre, de bloquer le truc. Ouais, c'est un dilemme d'après. Tu dois choisir entre te faire respecter ou perdre. C'est pas du respect, c'est même pas du respect. Hein. Toi, tu l'aurais lâché le téléphone, en fait. Ah, ben oui. Pour toi, ça vaut pas une quelconque prise de risque, en fait. Après, je veux bien qu'on hésite quand c'est un bijou de famille, un bijou auquel tu tiens. Mais un téléphone, tu peux en racheter un. Bon, effectivement, il y a des photos à l'intérieur. Si tu fais une bonne synchronisation régulièrement, c'est bon. Après, oui, moi, je préfère ma vie. Ça reste du matériel. Ouais, après... Défendre un enfant, défendre un téléphone... Le téléphone est vraiment comment... Il est quand même au cœur aujourd'hui, le téléphone. D'ailleurs, regarde sa réaction. Laurie, il a dit, heureusement, j'ai gardé mon téléphone. Tu vois, on a l'impression que c'était le plus important pour lui, de garder son téléphone. Ouais, mais bon, le voyou qui vient voler un téléphone rose de Nessie, tu sens que le gars est déterminé dès le départ. Hein. Ouais, alors, il y a des techniques, éventuellement, pour éviter les agressions. Ouais, de choisir un truc que les gens n'aimeraient pas ou qui n'aurait aucune valeur marchande. Mais ça, c'est vrai que plein de gens sont pas prêts à jouer le jeu. On a Dédé qui nous rejoint. Tu bouges pas, Laurie, tu réagis dès que tu veux. Dédé qui nous rejoint, 24 ans, Fort-de-France. Bonsoir Dédé. Allô, allô. Oui, bonsoir. Salut. Bonsoir tout le monde. Ça va? Oui, ça va, merci. Donc en fait, j'ai tenu à réagir parce que bon, je suis quelqu'un quand même qui, du temps collège, m'avait tenté de braquer mon téléphone portable aussi. Mais bon, à l'époque, c'était pas les portables comme on a maintenant. C'était quand même un petit Sony Ericsson, One Touch, bon voilà quoi. Mais en fait, c'est que je reproche beaucoup, même aux parents aussi. Des fois, ils savent des caprices de leur enfant, parce que moi, quand j'étais à l'école, mon premier portable, je l'ai eu en 6e, c'était un stagiaire, bon, c'était tout simple, c'était mes parents me disaient des pédiales, au revoir, c'est déjà l'essentiel. Maintenant, tout le monde veut frimer, c'est au plus beau portable, aux plus belles photos, c'est celui qui a les... Donc voilà, quoi. Après, comme je me dis qu'un portable, c'est quoi? Un portable, c'est un moyen de communication envers mes parents. Mais il y en a qui veulent quand même, qui ont peur de la réaction des camarades, se disent « Ah ouais, gars portable monsieur, gars portable mademoiselle, il est pauvre, et ceci, il a fait aussi des remarques. » Après, bon, moi, ce que je reproche, c'est que, comme je vois un petit jeune de 15 ans, parce que moi j'ai de la famille en Guadeloupe aussi, Quand je vois un petit jeune de 15 ans qui se réveille tous les matins, a peut-être la flemme d'aller à l'école, mais qui va apprendre, qui part, ses parents ne savent pas s'il va revenir l'après-midi ou le soir, ils ne savent pas comment il sera. Quand il va apprendre que celui-là qui est dans la rue fournier parce qu'il n'a pas réussi, ben, il va gâcher la vie d'une autre personne. Pendant qu'il a tué le petit gars pour son portable, pour le portable qui est à lui-même, que ses parents sûrement offert ou acheté pour la rentrée, lui il sera derrière les barreaux, pour un portable qui n'aura même pas dansé ma vie, quoi. Donc moi, je me dis que maintenant, tout est devenu facile. Et le fait qu'il y ait autant de délinquance aujourd'hui, je pense aussi qu'il faudrait remettre le service militaire pour qu'il y ait moins de jeunes dans la rue. Quand je suis arrivée en Martinique, je suis pas née en Martinique, quand je suis arrivée en 97, il n'y avait pas autant de violence. Maintenant, tout le monde veut le prendre à la GTA, mais sauf que ce qu'ils oublient, c'est que quand on joue à GTA, on va tuer un passant et revient à la vie, mais dans la vraie vie, on ne revient pas à la vie. On s'en va, on les départ en pleurs. Un agresseur qui part en forme, mais on ne va même pas le retrouver. Et ils peuvent même tomber sur des personnes où, ok, tu m'as fait du mal, après tu vas faire une prière, il va faire un tas de trucs, il va mourir demain matin. Qu'est-ce que les gens vont dire? Ah oui, oui, c'est une piste, tu es bon, t'es ceci, t'es cela. Je parle de ce qu'ils font, bah, qui part bon, ils veulent toujours se venger, mais ils ne veulent jamais reconnaître le tort de leurs camarades, quoi. Beaucoup d'émotions dans ta réaction, encore plein de choses à dire, tu bouges pas. On va revenir avec une question pour Mister Officer, je suis sûr que cette question elle te brûle les lèvres, peut-être que t'as la réponse. Hein. Pourquoi aujourd'hui c'est encore si peu possible, c'est aussi peu sécurisé autour de zones qu'on connaît à risque comme la sortie d'un lycée? Vos réactions, 0820-203-200, on revient dans un instant, à tout de suite. Ah, la rentrée. Salut, c'est Tisha. Tu as entre 16 et 25 ans, tu es demandeur d'emploi, tu cherches une formation? Prends ton avenir en main et découvre le 14 septembre l'atelier Éveil à la citoyenneté. La formation dure 3 mois et elle est rémunérée. Rejoins-moi pour une réunion d'information à l'école de prévention le 14 septembre à 15h à Jarry, en face de Jarry Plat. Pour plus d'infos ou pour t'inscrire, appelle le 05 90 80 13 00. On se voit là-bas. Vous êtes étudiant, vous êtes enseignant. DigiLife vous offre 10% de remise exceptionnelle sur le tarif Métropole pour l'achat d'un nouveau Mac. Vous pourrez également essayer tous les iPads et tous les iPhones dans les meilleures conditions et profiter de nombreuses offres spéciales rentrée. Nos experts Apple vous apporteront des conseils personnalisés ainsi que tous les services et garanties que seul un Apple Premium Resseller est à même de vous proposer. Rendez-vous chez DigiLife, centre commercial d'Estreland et sur digilife.fr. Offre valable jusqu'au 15 octobre et soumise à conditions. Tu as le bac? Tu es étudiant ou jeune diplômé et tu as un projet de création ou de reprise d'entreprise? Quel que soit ton âge, inscris-toi au dispositif Pépite, obligatoirement sur le site www.pépite-france.fr. En passant par Pépite, tu bénéficieras d'une formation et d'un accompagnement personnalisé à la création d'entreprise, tout en profitant des avantages du statut d'étudiant entrepreneur. Pour plus d'infos, envoie un mail à pépite-ag@univ-ag.fr ou appelle au 0590 48 34 06. N'hésite pas à te lancer dans l'aventure et à remplir un dossier de candidature si tu as un projet qui te tient à cœur de réaliser. Ah, la rentrée, sa pression, ses préparatifs. Besoin de faire un break? Burger King vous propose une petite pause gourmande avec son nouveau King Deals à 2,50€. En ce moment, les X-Cream sont à 2,50€ chez Burger King. Oreo, Kit Kat, Crumble et son choix de nappage fraise, caramel ou chocolat, il y en aura pour tous les goûts. Une pause gourmande à petit prix, ça ne se refuse pas. Burger King, le goût est roi. Dans la limite des stocks disponibles, pour votre santé, bougez plus. Trace FM. En ce moment, Trace FM te sape pour la rentrée. Cette semaine, ta radio t'offre ta paire de Nike Air Max. Ta paire de Nike Air Max. Toute la journée, dès que tu entends ça. À la suite. Appelle-nous au 0820 203 200. Lance la trace roulette et repars avec ta paire de baskets Nike Air Max au pied. Plus d'infos, trace.fm. Toute l'année, tu te poses des questions. Toute l'année, nous te donnons les réponses. Avenir au 97-300. Nos astrologues décryptent le futur pour toi. Avenir, AVENIR au 97-300. L'avenir se dévoile enfin. Tu veux savoir? Envoie Avenir au 97-300. 65 centimes plus prix du SMS DGP. Trace FM, toute la semaine. De 14h à 16h. Reste scotché à ton poste pour deviner les sons de la prog de Trace. 14h, 16h, 16h, 16h. C'est quoi ce son? Dès que tu entends le signal, écoute bien le son qui suit. Appelle-nous au 0820 203 200. Dis-nous qui chante et c'est gagné. C'est quoi ce son? T'as deviné? Appelle et repars avec ton kit Trace série limitée t-shirt plus sticker plus pochette mobile étanche pour ton smartphone. Génération 9-7, Génération 9-7, le son. Le soir. No limit. Y a pas de limite. Baby, I like your stuff. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold. Shot a bullet, shot a don't talk. To take it to you, then you gonna you can walk. Pop me your lens, let it go to your. Vin dal capa foot di mo sound man kote sa mo gachat. Take it mo flat. Real bad man pa ka check bombo clat. Pa just Babylon, pa just politician. Pa sa yo mem ka buy gun flat. A cousin bullet. Fubul ghetto you deja die. Boto ki bullet. Génération 97. A cause di bullet. Ghetto you ki jada. A cause di bullet. Hop mama qui jaga crack. Faut y'en stop blow, the people them. Arrêtez mentir, on les équipe de you them. Passe à part un tune. Café mundo vin fou, en plus mon pagin. Ouais, pièce gun tiré tout seul. Tout seul, John Cell. Nous qu'a foutu dans le sol. Chabaron bout du bon tenant les dérèdes instrumentales. Madame ce, boom bye bye déjà on t'aime. Pas j'ai chat, pas si boy, ça pas joué en momental. Welcome to the sale. Deux ragamuffin dans la mais pour chaque son boy, j'ai une balle KLHD. Yeah! Interdit de se mélanger. Yeah, yeah, yeah. Better than a mother though. She got her own, she don't need no chicken. She giddy and she got it, so you know I had to get her. She my NYPYT. She my NYPYT. She my NYPYT. She my pretty young thing, and I do anything for her. I love you, ay, pretty young thing. You need some love, from a real one. I wanna love you. Much but come through. Cartier frames too much, but it's cool. The only thing strange, they won't get off you. You wanna ride up? Well, I got ticket off. Later we can hide out. Try and get a missing. Now I'm all up in your mind now. Cause I get you, but you can't figure mine out. See, I'm quiet. You want your proper pick? Call me. You want to get your kick? Call me. You want your G6? Call me. May I be remix? Call me. From the other days, like a play some boy, I play. I want a dude with the wickedest plan. I need a 1, 2, 3, how we met. I want a dude who will tie me to the fan. I got a mind that is big like a man. I want a dude with the wickedest plan. I need a 1, 2, 3, how we met. I want a dude who will do me in his van. I got a mind that is big like a man. If you're looking, holler at me one time. Holler at me if you want the wickedest way. I know it's been a while, but baby, never mind. Life's gonna be me. Tell you, say, me I'm a don't find a pussy day. Me love push me good in day. Especially when you turn back way. Why you, oh me love you. No girl at all, me no put above you. Me love it, when me fuck you. Me never, never see a girl when me love so. Turn round so, cocky tough, yeah, take time now. Me cocky broke, yeah, turn back around now. Me wanna see your face. Looking at me eye, looking at me eye, yeah. Chaba rockin' from big ship rhythm. Me a don't find a pussy day. Me love push me hood in day. Especially when you turn back way. Never see a girl pretty stuff from me born. She make me take off the boots me a born. She turn me on from dusk till dawn. Turn on so, cocky top, yeah, take time now. Me cocky broke, yeah, turn back around now. Me wanna see your face. Chaba rockin' from big ship rhythm. Right now, me no man 40, but me E-R-E. Right now, me no ignorant 40, but me E-R-E. How can you not rape who come before you? You go like a you come, boy, you come to make music, big. Get them adults who supposed to respect the elders, but they don't. And I go on like how you are the man. You are the man, I'm God of the man. None of them no bad like Saba Rankin. None of them no tough like the Rankin. No. Stop the one they are asking. If you not imitate the great Saba Rankin, who can stop the one they are asking? If you not imitate the great Saba Rankin, see the fool they asking. If you not imitate the Rankin, the vibes I bring, the big song that I sing, must inspire and motivate him. Big vibes bunking from big ship rhythm. From come boom back to goalie banking. Saba Rankin are the top of top ranking. So on and up at the idle two, just put the box in the gang of H2O. I'm in the oxygen. Dance a lizard call me with the jewel and gym. Tell them send me supply the word for the him. Don't get it twisted, I will fool him. 30 years deep and still a rolling. Top of top of ranking from big ship rhythm. Right now me no man bought it but me. Right now me no ignorant bought it but me. How can you not rave who come before you? You go like a you come boy, you come to make music big. Get them and dance, who's supposed to respect the elders when they know? And I go on like how you are the man, and you are the man, I'm God of the man. None of them no bad like Saba Rankin. Trace FM. Trace. Génération 97. Ici, c'est la libre antenne des auditeurs. 0820 203 200. Merde. 0820 203 200. Génération 97. Ta radio va péter un câble. Bon, ça s'organise un petit peu au niveau du standard. On est inondé d'appels. 0820 203 200. Dans un petit instant, on aura une histoire de jardin d'essai qui débarque au standard. On discutera avec Mr. Officer. Et désolé hein, Mr. Officer, t'es le gendarme qu'on a sous la main. Je sais qu'en plus vous avez pas forcément le droit de communiquer sans l'autorisation du supérieur. Il y a hiérarchie. Merci en tout cas de le faire, parce que mine de rien, c'est vrai qu'il y a beaucoup, on a l'impression parfois qu'il y a de la rétention d'informations. On a bien compris aujourd'hui qu'un téléphone reste quelque chose de convoitable dans le cadre d'un braquage, parce que aujourd'hui ça coûte tellement cher de le géolocaliser que parfois, à moins que ce soit lié à une histoire beaucoup plus grave comme un meurtre, tous les moyens sont pas forcément engagés parce que ça coûte trop cher. On a également Audrey qui avait pas totalement terminé également de réagir. Comment il s'appelle celui qui va nous rejoindre dans un petit instant? Stanley. Qui arrive au standard 0820 203 200. On a également des réactions sur le web. Ouais, on a Faustin qui dit ce qu'on devrait faire pour protéger les sorties, les écoles, les lycées, c'est de mettre des brigades spécifiques. On a aussi Faustin toujours qui disait tout à l'heure, ouais, ça m'avait, j'ai bien aimé son tweet, la violence prend trop de place dans nos vies et pour les politiques ça devient normal que la violence existe. Hashtag G97, hashtag TraceFM, @TraceFM également, 0820 203 200. Toutes nos condoléances évidemment à la famille concernée par la mort de ce jeune lycéen. 0820 203 200, tous ses amis également. Ça s'organise activement, visiblement les autorités sont à la recherche des fauteurs de troubles. On se détendra tout à l'heure avec évidemment le double hit. Il y a pas de Nike Air Max qui ont été gagnés mais aujourd'hui. Non, elles sont toujours en jeu. Les donc ça veut dire que ça tombe forcément une fois par jour. Donc dès que vous entendez le double hit, ouais, c'est-à-dire Cécile avec cette hit enchaînée à Mr Easy Dance For Me, bah vous appelez 0820 203 200. On va vous mettre des extraits dans les oreilles tout à l'heure. Votre paire de Air Max. On va essayer d'éviter de créer le besoin. Tu l'auras, ta paire de Air Max. T'as pas besoin d'aller la prendre sur quelqu'un. 0820 203 200. Drédré, tu voulais terminer ta réaction. On t'écoute, Miss. Oui, voilà. Donc moi, je voulais dire aussi que bon, même si c'est pas facile, j'aurais voulu que ses amis, sa famille ne se vengent pas, parce que la vengeance ne sert quasiment à rien du tout. Ça va ramener plus de violence, ça va faire encore une mauvaise image de la Guadeloupe. Parce qu'on entend souvent parler de la Guadeloupe et en fait surtout de la Martinique aussi. Parce que nous, en Martinique, nous ne sommes pas épargnés. J'ai déjà assisté à un meurtre, même déjà pour une parole. Donc après, moi, je tiens à dire aussi, que de certaines sens, je ne pardonne aucun des agresseurs. Okay. Je ne pardonne pas les agresseurs, mais il y en a quand même, c'est par rapport à l'influence des autres. C'est-à-dire qu'ils sont entraînés par une mauvaise bonne, ils ont des fréquentations, ils sont menacés, on leur dit si tu ne sais pas si il va t'arriver ça. Donc il y a l'influence aussi. Je pense que si les 20 personnes nous tendent de la main, je dis mais si je suis jeune, j'ai 24 ans. Que si les bonnes personnes nous tendent de la main, on peut marcher avec nous, au lieu de nous critiquer, à nous balancer à chaque fois la même balle. Je pense qu'on serait déjà arrivé là, on aurait déjà eu notre image. Donc après, moi, j'aurais aimé que les parents aussi, ça se trouve que l'agresseur, même il est aussi jeune. Je ne sais pas, les parents ne vont pas faire les gendarmes aussi, ils vont faire une bonne éducation pour leurs enfants. Dans la maison, ils sont comme des petits saints, comme on dit, une fois qu'ils ont franchi la porte, ben ça y est, quoi, c'est la fréquentation, ils connaissent plus que les parents appris. Donc tout ce que moi, je tiens à dire, c'est que je fais mes condoléances aux amis et à la famille. et surtout à l'établissement où il était, et surtout ceux qui ont sûrement été témoins de cette agression. Et j'aimerais faire passer un message aussi que j'ai reçu via WhatsApp dimanche soir, ouais. qu'en Martinique, il y a une bleue et blanche avec deux jeunes hommes à bord qui s'amusent à braquer des motards. Alors, c'est toute la force de ces réseaux sociaux et en même temps toute la faiblesse. C'est-à-dire que concrètement, il y a beaucoup d'informations qui vont très très vite, mais qui sont pas toujours vérifiées ou vérifiables. On posera la question à Mister Officer. Est-ce que ton giron d'action, c'est aussi la Martinique, Mister Officer Gendarme, là? Oui, tout à fait. Cette histoire de... C'est quoi, qu'est-ce que t'as dit comme bagnole, Dédé? Alors, c'est une vraie info ou alors... Oui, c'est une vraie info. C'est une vraie info. Faut se méfier de cette voiture. Alors, il n'y a pas de problème. Ils ont une Audi A3 blanche et ils ont une 125 noire. D'accord, ils sont en voiture et à moto. Et il y a une vidéo 2 qui circule effectivement ayant commis un braquage sur la ville du Lamantin. Ils ont volé un tracteur noir. Un tracteur ? Un tracteur. Une moto. Noir. Pardon. Ça a bien se passé hier. Oui, non, mais un tracteur. Pardon. J'ai pas fait exprès. Bouge pas, officeur. Dédé, t'as dit tout ce que tu voulais dire. Il y a Boris qui va nous raconter un petit bout de sa vie. Pas facile à évoquer, mais en tout cas, visiblement, ce soir, il a envie de le partager. Dédé, tu as dit tout ce que tu voulais dire ou pas, Miss? Pour savoir si on libère un peu de place au soir. Ouais. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une très bonne année scolaire. Tu restes à l'écoute. Qu'ils soient à l'école. Voilà. Yes, ça marche, bon courage. D'accord, merci. Boris est avec nous. Réaction, il a 20 ans, il est aux abîmes. Bonsoir Boris. Bonsoir, oui. Alors je vous raconte ce qui s'est passé brièvement. J'allais au cinéma, j'étais avec un ami à moi. Il avait 2 ans de plus que moi, grand aussi, musclé, tout ça. Et on allait au cinéma, on avait 10 euros dans la poche et nos portables, etc. Et là, le mec, deux mecs en face nous demandent d'abord de s'approcher d'eux, tout ça. Finalement, ceux qui viennent à nous, ils nous stoppent. Ils nous demandent nos affaires, nos portables, tout ça, et notre argent surtout, et il me met directement un flingue sur la hanche. Alors je me suis pas posé de questions, surtout quand on est pris à vif, tout ça, moi j'ai donné, pas de problème, j'ai ouvert mon porte-monnaie, j'ai donné ce qu'il voulait, et voilà quoi. Bon, j'étais merdé parce que j'ai pas pu aller au ciné, mais finalement j'ai la vie sauve et j'en suis bien content. Ouais, tu pourras y aller d'autres fois. Voilà. Et ce que je veux dire aussi, c'est que c'est pas seulement un problème de portable, j'aurais pu lui donner, il aurait pu encore m'emmerder après. C'est le problème qu'il y a aux Antilles, en Guadeloupe en tout cas, la violence est vraiment trop présente. C'est de la violence non seulement gratuite à laquelle on a affaire aujourd'hui, c'est pas seulement pour braquer des portables ou autre, c'est ça le problème. Après, il y a peut-être une analyse rapide à faire quand on se fait racketter, essayer de voir si on a le gabarit pour pouvoir courir et échapper à la situation. Si le mec il a un flingue, bon, il peut tirer de loin. S'il a un couteau, bon, sauf s'il s'appelle Friquet Chevest et qu'il est capable de te lancer un couteau à 10 km, c'est un petit peu chaud, mais sinon tu peux essayer de courir, mais c'est des risques à prendre et c'est un peu inutile pour un portable ou quoi. Mais du coup, t'as été porté plainte ou pas toi? J'ai été porté plainte. On a un sentiment de frustration parce qu'on va porter plainte et puis finalement rien ne se passe. Hein. On est juste soulagé d'avoir dit ce qui s'était passé, mais on n'a aucun dédommagement ou autre. Oui, au final, on te rentre dans un quota. Ouais, mais c'est moins cher que d'aller chez le psy. Ouais, et puis en même temps, moi ce que je retiens aussi de ce que dit Boris, c'est que mine de rien, au final, faut limite tracer toi-même ton plan d'évasion, en fait, dans le cas où ça t'arrive. Le mec, lui, j'ai tout de suite vu l'image à la con, tu sais, de toutes ces vidéos qui tournent sur internet avec, tu sais, ce petit refrain là. Tu sais. Ah. Hashtag G97, hashtag TraceFM, 0820 203 200, on a Stanley qui nous rejoint. Ça doit être un peu ton quotidien aussi, Mister Officer, d'entendre des gens qui trouvent que la justice va pas assez vite, fait pas son travail. Toi qui es de l'intérieur, monsieur le gendarme, est-ce que tu trouves que... Je sais pas, c'est peut-être le moment de faire encore une réclamation, je sais pas, est-ce que vous avez tous les moyens pour le faire? Pourquoi? Oui, mais après on peut pas en vouloir aux gens, parce que bon, ben moi je suis partie du métier, certes, mais ce que je voulais dire aux gens, quand ils se font brasser, ils se font agresser, ou qu'ils aient une quelconque altercation, la chose à faire, déjà, c'est de rester passif, de ne rien faire, et d'essayer de prendre le plus d'informations que possible. qui crie que c'est difficile et que ça va très vite, ben vous vous êtes braqué. Vous essayez de remettre déjà ce qu'on vous demande. Vous essayez tout en remettant de regarder, ben, il a des tatouages, il a une montre, une bague, un truc particulier qui pourront permettre de le reconnaître après. Et après, quand vous allez faire votre déposition, vous direz, oui, j'ai remarqué qu'il avait une paire de chaussures, ou il y avait, je sais pas moi, les lacets. Ouais, les détails comptent, en fait, pour voilà. Tout ce qui va aider votre voilà. Enquête, en fait. Ouais. Voilà. Vu ça, les habitudes vestimentaires, on peut même noter la marque du slip. On a Faustin qui rajoute, les jeunes sont en manque d'activité, donc eux braqués restent la seule solution. Pôle emploi l'autorise. C'est carrément tout un système qui cautionne ce qu'on vit aujourd'hui, qui crée en même temps le besoin, l'envie d'avoir, et en même temps pas la possibilité de l'obtenir, à moins de céder à la pulsion facile. On a Samuel Zibridé qui dit, je suis pas d'accord. Les gars qui ont fait ça sont sûrement assez grands pour faire la différence entre le bien et le mal. Il n'y a pas d'excuses qui tiennent. Il n'y a rien qui puisse justifier ce qui s'est passé. 0820 203 200, on a Stanley qui nous rejoint, il est à Saint-François. Salut Stan, salut. Allô, bonsoir. Ouais, bonsoir Stan. Oui, alors je tenais à faire part de mon ressenti et du ras-le-bol. Vas-y. C'est vraiment un gros ras-le-bol. Ah. On t'écoute hein, pour ton ressenti, mec. Vas-y. C'est un bon endroit pour ça, hein. Lâche-toi. Donc, alors moi, je sais pas où tu des élèves qui attendent le bus là où ça s'est produit. À côté de la croix. Et franchement, ça c'est au quotidien, c'est un harcèlement. C'est vraiment un harcèlement. On vit vraiment avec la peur au ventre quand on vient pour atteindre le transport pour rentrer chez nous. Donc je trouve que c'est vraiment inadmissible que nous, étudiants, on sort déjà des cours et que de plus, on va pour rentrer chez nous avec la peur au ventre. Ça fait que maintenant, quand on sort du lycée, ça veut dire que nous, on est obligé de marcher avec des armes dans nos sacs. Vous voyez? T'as une arme personnellement, toi, Stan? Pardon? T'as une arme personnellement, t'as quoi? Ah ben écoutez, moi personnellement, ça m'est déjà arrivé, comme à beaucoup d'autres. Donc on est obligé de se protéger. Hein. Ah mais oui. Mais qu'est-ce que tu as dans ton sac, par exemple? Pardon? Qu'est-ce que tu as dans ton sac, Stan? On va dire, ouais, j'ai un petit couteau. Ouais. Aujourd'hui c'est pour la défensive, parce que franchement, ça c'est un ras-le-bol. Alors, ah ouais. Je comprends ton ras-le-bol, mais par exemple, qu'est-ce que tu imagines faire avec ce couteau? Est-ce que tu penses que ce couteau va te protéger? En fait, c'est quoi l'idée? Sans jugement, sans rien, aujourd'hui, tu te sens mieux dans ta peau avec ce couteau dans ton sac? Honnêtement, moi, ça m'est déjà failli. Ça a failli m'arriver, honnêtement. Et quand ils ont vu le couteau, là, ils ont commencé à mourir un petit peu. Vous voyez? Là, ils ont un petit peu changé d'avis. C'est dissuasif, donc, en fait. Comment? C'est donc, dissuasif. Voilà, c'est dissuasif. Oui, c'est dissuasif. Et en même temps, si tu devais avoir à t'en servir, tu t'en servirais? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que sous le coup de folie, on ne sait pas. Moi, je trouve que ça incite au combat quand tu vois une arme. Les gens, ils ont envie d'aller à l'affrontement. Tu penses que quelqu'un qui a une arme, forcément, un jour ou l'autre, il va s'en servir, en fait, c'est ça? Non, mais je veux dire, si... Bien ou mal, mais si il va s'en servir. Si ton agresseur est armé et qu'il voit que tu l'es aussi, qu'est-ce qui l'empêche, finalement, d'aller vers toi? Tu penses qu'il a vraiment peur? Il est déjà armé lui-même, peut-être plus que toi. Est-ce qu'il a vraiment peur? Ça le fait fuir, tu penses? J'ai pas compris. Regarde, ton agresseur, il est armé. Peut-être même plus que toi. Il voit que t'as un petit couteau. Tu penses vraiment que ça va le dissuader? Il va se dire, ah non, je vais pas prendre son téléphone, je pars. J'essaye de suivre ton raisonnement. À quel moment elle va... Tu sais, Nessie va lui dire, mais prends une mitrailleuse, tu sais, ou un tank. Non, mais je veux dire, je vois pas en quoi c'est dissuasif. Ouais, pour toi, en fait, avoir une arme, tu penses que ça va faire que aggraver les choses, en fait. Tu vas à l'affrontement quand tu es un espèce de caïd, tu dis, ok, j'y vais. Encore plus. Hashtag G97, hashtag TraceFM, 0820 203 200. Oui, ouais, vas-y. Oui, mais pas forcément. Quand tu vois que bon, le gars, il a vraiment son matériel vraiment pour te braquer même, bon, tu vas pas lui montrer que tu as une arme, parce que non, logiquement, si tu as une arme, elle est dissimulée et dans ton sac. Et à ce moment-là, ça tu commences à courir. Au-delà du couteau que tu as dans ton sac, par exemple, quand tu vas au lycée, qu'est-ce qui pourrait te faire te sentir un peu plus à l'aise, un peu... parlons franchement, mec. Tu sais, on connaît très bien la disposition. Il y a Bainbridge, il y a Jardin d'Essai en face, un peu plus loin, il y a Saint-Georges. En même temps, l'abribus, c'est le même pour tout le monde, en fait, selon la direction où tu vas. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que particulièrement cet endroit, il est sensible, en fait? Il est vraiment sensible. Parce que moi, personnellement, j'ai déjà été voir le proviseur de Bainbridge même, pour lui en parler. Et il m'a dit qu'en fait, cette zone-là, elle ne peut pas vraiment être encadrée. Vous voyez? Mais en disant, alors, moi, ma question, c'est, en même temps, ça fait 3 lycées, c'est vrai que ça fait beaucoup d'opportunités, si on a envie de faire carrière dans le braquage, par exemple, pourquoi pas? Ok, maintenant, au-delà de ça, si justement on sait, alors c'est vrai qu'après, il y a des sorties différentes, il y a des sorties à 14, 15, 16, etc., à un moment ou un autre, tu peux pas imaginer forcément avoir une délégation, une brigade de police ou de gendarmerie, enfin de police, visiblement, puisqu'on est sur le centre, tu peux pas avoir des policiers à chaque sortie. Alors, est-ce que je dis ça? Mais si ça se trouve, en fait, c'est ce qu'il nous faut et c'est ce qu'on veut, en fait, en réalité. Se sentir simplement en sécurité lorsqu'on va au lycée ou lorsqu'on en sort. Ben pourquoi pas? Ils sont où, les policiers, à ce moment-là? Ils font quoi? Ils sont à la caserne? Alors, moi, je vois beaucoup de rondes, quand même. Il y a quand même, quels que soient les lycées, où que ce soit en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, t'as toujours tendance à voir des rondes, sauf que t'as l'impression que quand il se passe quelque chose, ils sont jamais là. Et cette espèce de, je sais pas, de ratio entre le nombre de rondes qu'ils font et les cas de figure où ça se passe très très mal et ils sont pas là, j'arrive pas à identifier pourquoi. Mister Officer, est-ce que tu as une réponse? Vous avez suffisamment d'effectifs? C'est impossible ce qu'on demande? C'est impossible, par exemple, pour Stanley, d'avoir l'esprit tranquille tout le temps? Il y a combien de policiers pour une population, en fait, par nombre de population? Alors, je vous avoue, pour ma savoir combien de policiers, combien de gendarmes il y a exactement, mais sachez quand même qu'ils ne sont pas athées. Vous pouvez être un policier ni un gendarme derrière chaque personne. D'accord? Après, un truc qu'il faut savoir, c'est bien simple. Les jeunes, on va vous mettre des patrouilles de police. Elles seront civilées, elles seront des directifs en tenue, des directifs en civil. Ça sera pareil. Parce que les jeunes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Un, ils vont prévenir leurs copains qu'il y a des policiers. Donc, de ne pas venir. Ne serait-ce que ce sera que le petit copain qui vient avec la moto sans casque, la moto sans plaque, etc. Mais c'est le but? Oui. Le but, c'est qu'ils viennent pas. C'est pas de les prendre en flagrant délit. Ça, on sait très bien que ça va être super dur, mais qu'ils ne viennent pas. Oui, ça va être super dur, mais eux, ils le font pour s'amuser. Eux, ils ne voient pas qu'ils font du mal. Par exemple, le mec qui va venir sans plaque, sans casque, ou je ne sais pas quoi, il va peut-être vous venir faire autre chose. Mais ses amis vont le prévenir en lui disant que la police est là, ne vient pas. Après, les jeunes, ils viennent s'amuser. Ils trouvent rien d'autre à faire, des fois, quand la police est là. Voilà, il y a la police en partie. La police ou la gendarmerie. Quand il y a une batterie de police ou des gendarmeries, ah oui, c'est bien de lancer des canettes sur la voiture et tout. Et donc après, voilà. Donc les rondes, elles sont faites. On ne peut pas les faire régulièrement ou je ne sais pas quoi, parce qu'il y a d'autres choses à régler, d'autres choses à faire. Mais il faut que les jeunes aussi nous aident. Il y a des agents de médiation qui sont mis en place près des lycées et collèges. Donc voilà, et aussi de nous aider. Ne pas prévenir les voyous, entre parenthèses, ils n'ont pas tous des voyous, mais de ne pas prévenir les jeunes pénétralisés, ou par exemple quand ils sont courants des horaires de passage et tout, de ne pas leur dire que voilà, les policiers passent à telle heure, ils viennent à telle heure et tout. Et voilà, ça c'est beaucoup aidé. Et Mister Officer, parlons franchement, est-ce qu'aujourd'hui quand tu dis être aidé par la population, quelque part, c'est peut-être pas aux gendarmes que je m'adresse, c'est peut-être à l'être humain, est-ce que quelque part, il n'y a pas une partie de toi qui te dit putain, je comprends les gens qui veulent faire justice par eux-mêmes? Oui, je comprends les gens qui veulent faire justice par eux-mêmes, mais ça ne sert à rien de faire justice par soi-même, parce qu'après ça va déclencher et amener autre chose. Là, c'est... Je comprends le ras-le-bol des gens, l'impatience à cette fois d'aller de se rendre au commissariat ou à la gendarmerie pour pouvoir déposer plainte. Ah oui, revenez, c'est fermé, ah, on n'est pas là pour ça, ou c'est pas chez nous. Alors que, voilà, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. De toute façon, une plainte peut être prise n'importe où. Si vous habitez, quel que soit l'endroit où vous voulez déposer plainte, même si ce n'est pas votre lieu de résidence, vous pouvez déposer plainte. Ouais, 0820-203-200 également sur le net www.trace.fm. On va vous poser la question parce que mine de rien, je suis sûr que Stan, par exemple, qui avoue franchement dans l'anonymat le plus total, hein, en fait, nous, on n'est pas là pour être la police, on est là pour aussi à un moment ou à un autre offrir un reflet de la vraie société et surtout parler sans faux semblant, le plus honnêtement que possible, le plus franchement que possible. Est-ce qu'il y en a d'autres parmi vous aussi qui, forcément, aujourd'hui, n'envisagent pas d'aller dans leur établissement scolaire sans avoir quelque chose dans leur sac? Ça a peut-être une efficacité plus ou moins relative, ça marche peut-être pas à chaque fois, mais en tout cas certains d'entre vous se sentent mieux. Vous emmenez quoi par exemple au lycée? Il y a quoi dans votre sac qui fait que vous sentez plus en sécurité? Il y a un exemple également de James qui envoie, je prends l'exemple de mon ancien collège, il y a des policiers municipaux à chaque sortie, j'ai pas encore vu de braquage. Ouais, donc visiblement parfois il y a des effectifs qui sont suffisamment représentés pour que le cas de figure n'arrive pas. 0820-203-200, hashtag G97, hashtag TraceFM. Et vous aussi, vous auriez fait quoi dans cette situation? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous donnez le téléphone portable ou vous le donnez pas? Vous tenez tête aujourd'hui, pourquoi par exemple, il y en a peut-être certains d'entre vous qui en ont marre en fait de se faire marcher sur les pieds. La crainte éventuellement de devenir une victime, et pas que pour une fois, parce que quand tu donnes pas aussi, c'est pas juste parce que t'as l'arrogance ou t'as l'orgueil ou que t'as de la dignité mal placée. À un moment ou à un autre, c'est que t'as pas envie de subir non plus ce qui est en train de t'arriver. 0820 203-200 pour témoigner. Alors, on va revenir d'ici là avec Monsieur Kalash qui va détendre un petit peu l'atmosphère. Il a prévu de faire du Hey Baby Hello. Il fait sa rentrée avec nous dans la Trace Radio. Est-ce que t'es prêt, Mister Kalash? Ouais, ok. ok, je vais pas insister, pas de problème. Hey Baby Hello, ou alors, certaines personnes qui ne connaissent pas encore par cœur la chanson de Tekken. Allô? Hey Baby Hello. Qui sont t'as dit me là? C'est qui? C'est qui, je t'ai demandé? On appelle un nouveau numéro dans un petit instant, 0820-203-200. Si vous avez des fans de Kalash autour de vous, alors des gens qui le détestent, n'hésitez pas, vous nous filez les numéros, on fait le reste. Voici DJ Fly avec cet hit. Pour la rentrée, Digicel n'a pas fait les choses à moitié. Tous vos forfaits Digicel sont à moitié prix pendant 2 mois. Que diriez-vous d'un forfait no limite 1 heure à 8,50€ pendant 2 mois? Rendez-vous vite dans votre boutique Digicel. En ce moment, le nouvel Alcatel Pop 4 Plus avec son grand écran 5,5 pouces est à 29€. Et le nouveau Wicolini 3 est offert. Vivons l'extraordinaire. Digicel. Offre valable jusqu'au 2 octobre 2016. Remise appliquée sur le montant des 2 premiers mois de forfait. Prix des mobiles dans le cadre d'une offre portabilité, durée d'engagement minimum de 12 mois. Voir conditions au point de vente. Lundi 26 septembre, c'est ton rendez-vous, c'est du, ton mois. Rendez-vous du mois. 97 People. Et Trace Urban t'a concocté une émission spéciale vacances. Rencontre les vacanciers de la Mercury Beach à Sainte-Lucie. Une fois n'est pas coutume, c'est leur playlist qui est à l'honneur dans 97 People. Tous ont choisi le titre de ces vacances 2016. En bonus, les images des concerts de Machel Montano, Feyan Lions et Bungie Garlin. 97 People spéciale vacances. 97 People spéciale vacances. Lundi 26 septembre à 19h aux Antilles et 20h en Guyane. Yann sur Trace Urban. We love hip hop and R&B. Ce programme vous a été présenté par McDonald's. Le soir, entre 18 et 19h, en attendant l'arrivée de Génération 97, Hugo et Tijo Sound font monter l'ambiance. 18h, 19h, ne rate pas le before de Génération 97. 1 heure de mix mixé par Tijo Sound. Le DJ officiel de Génération 97. Génération 97, le before. En attendant ton show Libre Antenne, les hit traces mixés font gronder les basses toute la semaine entre 18 et 19h sur Trace FM. Trace. Premier sur les hits. Ton couple est-il fait pour durer? Infini au 97-300. Un mois, un an, 10 ans, une vie? Envoie Infini, INFINI au 97-300. Nos experts pourront te donner la réponse. Infini au 97-300. Trouve la sérénité et avance. 65 centimes plus prix du SMS DGP. Le soir, c'est Total Libre Expression sur Trace FM dans Génération 97 avec ton amigo en mode déter déter. Amigo Fun and Fruity Life. Fun and Fruity Life. Génération 97. 0820-203-200. Le soir, tu as la parole sur Trace FM. 100% radio libre. Trace FM. We so fly. Trace so fly. Bad girl style. Trace. Yeah.

for me. Si devant il y a DJ Fly et Cécile, ça a été le cas. Il y a un signal entre les deux, il faut que tu te déclenches. 0820-203-200, ta paire de Nike. Air Max a gagné. Bonsoir Wendy. Bonsoir. Salut, ça va? Ça va. Tu appelles pourquoi? Ça sent le mec qui veut pas partager, tu sais. Oh, Souba, je vais te donner les lacets. Tu dis stop quand tu es prête, ma belle. Oui, allô? Ouais, tu dis stop quand tu es prête. Stop. Yes. Tu nous appelles de quelle commune, tu nous as dit? Robéan. Ok. Mais vous avez pas besoin de ça, Robéan, les Nike Air Max, non? Vous voulez dire ça? Il vous faut des sandales. Même pas, des chaussures. Des bottes. Ils sont sans chaussures. Tom Sawyer. Nike Air Max au pied. Tu repars avec ta paire de Nike Air Max. Non, merci. Pas que ça soit la première qui arrive. Alors moi, j'avais pas décidé de faire une vanne. Nessie a décidé que Jean, au Robert, c'est des vannes pieds. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Je dis simplement que les sandales, c'est plus approprié si tu habites du côté de Pointe-Savane ou de Pointe-la-Rose, tu vois. Non, j'habite pas par là. Ah ouais, d'accord, ok. Tu habites en... Je suis une citadine du Robert. Pas de problème. Loin de la merde. Tu fais quelle pointure? Juste dis-nous pas du 54 parce que tu vas nous foutre dans la merde. 38, elle a dit, bah c'est bon, tu peux me les donner, t'en as pas besoin. Elle a pas très envie de te les donner, tu l'as traité de vanu-pied tout à l'heure. Et du coup, attention, poteau, champ magnétique, poteau, boomerang. C'est toi la vanu-pied. Tu repars avec une paire de chaussures, une chaussure à chaque pied, ta paire de Nike Air Max. Félicitations Wendy. Avec quelle radio tu gagnes le plus gros cadeau? Avec 3FM, cette semaine, ta radio t'offre ta paire de Nike Air Max. Génération 97. Génération 97. 0820-203-200. Le soir. Appel. Salut. Et balance sur Trace FM. Bon, on parle d'un truc pas très très gay. Il y a Laurent qui nous rejoint du côté du standard. Salut Laurent. Allô, salut, bonsoir. Ça va? La forme? Oh, tranquillement, tranquille. Ouais, tu réagis à l'actualité? Oui, je réagis à l'actualité, exactement. Dans un petit instant, on écoute ce que t'as à nous dire. Il n'y a pas de problème, Laurent. Tu as 26 ans, t'es au Lamentin, c'est ça? Exactement. Parfaitement, je suis renseigné, mec. Ah, tu rigoles ou quoi? J'ai un standardiste qui sait enfin quelque chose. Le mec, il met des enquêtes, tu sais, hors antenne, le temps d'un jeu. Laurent, t'écoute dans un petit instant. On a également Johan qui va réagir, qui lui nous appelle de Mornalo. Bonsoir, Johan. Salut, Johan. Salut. Ça va? Oui, tranquille. Bon, bah, tu bouges pas, tu raccroches pas. On se fait un petit hey baby allo avant ou pas? Oui. Oui ou non? Est-ce que vous avez envie de vous détendre ou est-ce que vous préférez d'abord cracher ce que vous avez à dire, en fait? Laurent, Johan, je vous pose la question. C'est selon quoi. C'est selon. Bon, Kalash est avec nous désormais tous les soirs dans Génération 97. Kalash vous appelle. Que vous l'aimiez ou que vous l'aimiez pas d'ailleurs. Si vous avez des fans de Kalash ou des détracteurs dans votre entourage, vous nous balancez les numéros de téléphone. Kalash, es-tu prêt? Kalash? Ok. Je vais pas insister, d'accord, ok. Allez, on y va, c'est parti. Du Hey Baby Hello dans la Trace Radio. On revient juste après avec votre réac, les gars. On se prépare également tout à l'heure à du Big Quiz. Vous inscrivez 0820-203-200. C'était bien le premier. Allô? Hey Baby Hello. Oui, allô? Voudrais... Non. Tu as moi dans ton lit. Mais pas du tout. Laissez-moi chuchoter. Ah. Bon alors, qui est-ce qui me fait un canular? C'est pas moi. Bon ça y est, je t'insulte, mais tu veux que je te dise quoi, mon grand? Qu'est-ce que je peux bien te dire comme injure? Je vais t'enculer avec le bois que ta mère m'avait prêté. Putain, j'ai la rage. J'ai trouvé ça dégoûtant. Je sais pas, c'est quelqu'un qui s'amuse et qui me passe les extraits du son de... je sais pas. J'attends de voir qui c'est, ce Camille-là. Kounia maman. Kounia maman, on fait mon chier. J'ai dit ça, première maman. Putain, mais j'en ai marre, mais c'est quoi ce truc là? Vous me faites chier là. C'est bon là, foutez-moi la paix là, je raccroche. C'est toujours ton numéro. Bon, allez, je raccroche, c'est bon là. C'est qui? C'est pas moi. Mais c'est vraiment ta lâche? Putain, c'est con. Allez, douce. Et j'arrive même pas à accrocher mon téléphone avec ça. C'est con. Ils m'ont bloqué mon truc. Hein. Toujours ton numéro. On va s'écouter Gypsy avec Jingle. Somebody say! Oulala. On a un DJ avec nous dans la radio. Hashtag G97, hashtag Trace FM. Vous réclamez vos titres. On revient avec les réactions de Laurent et de Johan dans un petit instant dans la génération 97. J'espère que ça va de ton côté. Mada, Guada, Yana. Lâche-toi tous les soirs pour parler vrai, pour dire ce que tu penses et pour délirer, te détendre aussi tous les soirs sur Trace. Ta radio se lâche, tu peux tout nous dire. Trace FM, génération 97. Ta liberté d'expression au 0820 203 200. Mon passé, moi toujours on point. La mobilité que mon gang est biché on point. Caribbean girl, I look around the town. Chaque côté, mon passé, moi toujours gangster. Mon billet, ça qui capte les têtes non-stop. Moi toujours qu'à venir que des different steps. Chaque son, mon cassette, c'est qu'à bailler different tap. Grand foki. Pour pas moller la mouka flasque, mon girl. Pour j'en savais qu'il y a look around the world. Pour pas moller la mouka flasque, mon girl. Caribbean girl, I look all out the world. Fresh, quand t'as mains un peu. Bad girl, cabayo mal dead. Jeans qui a mal parlé, mais nous pièces font l'œil. Et si on les suspect, pour qu'on répète. She no care if she an invite. Or if you drive the car at the stop line. Me the only man she want. The only man she want, yeah. Our man says she very special, yeah. Very special. Like a dry line, me nah lie. So I'm up on the front line, nah lie. If we buy all the world in the start, the host and the car. Still she won't give me the thing in on the restroom at the bar. Hey, she willing for one for the pool. Willing to give me anyway for the tool. All when you must search a bar for one of pump down everything. We have everything for you all in. Everything for you all in. You go through the way I control him. Every night you know. We have is your problem, gal? Me can't help you to solve them, gal. Me a one of the good, good wife. You a one of the skittle bomb them, gal. Remember me no idiot, gal. Pull the ring finger, you feel free that, gal. When you see me, you look at a real ad, gal. And if I Generation 97, gal. Not just friend, not just devil. They might pray hard, you get devil. If you not just BS, not just trouble. Listen in here, I'm in your ears. You know we go far. A friend I know. Not just friend, not just devil. They might pray hard, for you get pebble. If you not just BS, not just trouble. Human being not just stable. If we moving anti-social, I may I. And real gangsta no beg boy weed. Buy, we buy. Anyhow, I don't beg friend now. We big up Jesus, son. Big up justice. Uh-oh. You know we go far. A friend I got. Not just friend, not just devil. They might pray hard, you get pebble. If you not just BS, not just trouble. Human being, not just devil. On revient dans Génération 97 avec les réactions de Laurent, de Joanne. Les titres que vous voulez entendre, vous les réclamez. Hashtag G97, hashtag Trace FM. Tous les soirs, la radio est libre sur Trace. I don't beg for now. Weed is my best friend. And me no one see no next friend. Dog. Weed is my best friend. Some boy where you talk and I leave me not just them. My best friend. You know we is my best friend. Now bip out, bip out, bip out. Mind you bip out, bip out, bip out. Bip out, bip out, bip out. A bit, huh? Nous qu'un point bada bada, qu'on c'est top, chata chata, pas c'est risque à tomber, considéré, c'est bon, ma cigaza. Deux femmes qui a dansé, même année qui adore, pas ça, pas ça, pas tout là pour représenter, puis c'est arrivé, ma proba. Tout si ou la da da da, mambo kata, sata, sata, oui, nous qu'à manger tête, yo, considéré, c'est un anana. Hey boy, ou la gamme, et ça va faire yawa. C'est à ta faya, pour non, tout ça qui va faya, faya. Quand à vous paraitre là, sous ou la casse, ou tirer ça, pas c'est pour quitter, pita pita, nous qu'à faya, faya. De mada à guadada, de madame jusqu'au Canada, nous qu'à représenter un mané qui tient gladiata. Tout ça qui va content, aïe, yo, nous n'est en amada, mais amada. Amada, Amada, Amada, c'est pas seulement des boucs arrêtés, mada. Respecting Wonika pour Alma qui est plus végéta. Ou pas seulement Kabig up Haïti et puis Ajouba. Must have got all the water, n'est ma woman, non, ça joue pas. Bajo m'a commandé protection du Almighty Fada. Des rouvres et yo comme Maka. From West Indies, woman, y'a qui qui top. Ou café, nom tout le big it up, abise et analyse. Woman, c'est au qui plie top. Nom tout côté, c'est où les back it up. West Indies, woman, y'a qui qui top. Sentiment en otage, jaloux c'est une belle jeune femme. En vais pas ou rester seul, moi qui fais tout pour ses temps. En fois c'est là qui rete derrière. Et nous qui flex faut occuper des mounes. Et qui a dansé en qu'a senti moins bien. Que pour aller sans retour, en nous partir sans garder derrière. En savons jour qui est en moins. C'est moins bon pour pas faire ailleurs. En vérité, en ma chambre. C'est comme des titres, non. you love the touch. See, don't gonna cheer where you want so much. Or you want me teach you if you drive the truck. Generation 9-7. So come over now, make me give you straight love till the morning. So come over now, make me give you straight love till the morning now. Just do what you feel like, girl, of your choice. Nobody can judge you for your life. Don't make a girl shame you with all vice. Like say you are the devil in a passion of cry. My money, ha ha. My money, money, money, ha ha. Money, money, ha ha. Make teacher love out like a Santa. Ha ha ha. Me want me money, ha ha. My money, money, money, ha ha. My money, ha ha. Make your knee love out like a Santa. Ha ha. Me want me money pile up. Me money too Christine of his style up. So me spend it in a scripper in a gino. Out a door where me see me money line up. Me have money in a Kyle, money in a bungle. Me have money at Tivoli, me have money at jungle. Money a laugh after me, that's why me can't humble. Money take me mother and me time. It's a granny. Just in case you never know. Just in case you never know. DJ. Games, no games. We've been together 6 months now. The most perfect games. You push for a school exchange ball. Baby, change up. Génération 97, le soir. Le soir. La première libre antenne des Antilles Guyane est sur Trace FM et nulle part ailleurs. 0820 203 200. Appel. Vous avez peut-être échappé à l'horreur de l'actualité aujourd'hui. Nous, évidemment, c'est la rentrée un petit peu de tout, la rentrée parfois, souvent, et aujourd'hui c'est le cas, associé à la violence. Les audios tournent en pagaille sur les groupes WhatsApp, les gens s'expriment, 0820 203 200. Je crois que c'est la meilleure chose à faire pour ne pas que ça se passe dans l'indifférence la plus totale, qu'on croit qu'évidemment, ben, c'est normal. Évidemment, de sortir d'un lycée, de pas se sentir en sécurité, d'avoir la peur au ventre et parfois d'y laisser sa vie. C'est le cas de ce jeune garçon de 15 ans qui a pris 7 coups de couteau cet après-midi pour un téléphone portable qu'il ne voulait pas donner. Il y a ce typique en boucle là, en boucle à moto transport. Il a mis ses joues moi là. Il a piqué boucle en gorge. Il fait boucle pas qu'à bouger encore. Il y a un bon moment là, ça a mis qu'à tester animé. Il sait pas faire rien. Réaction de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, où que vous soyez, réaction de toute façon, parce que évidemment si ça s'est passé à Bainbridge, on a eu des témoignages comme quoi ça arrivait aussi à Jardin d'Essai. Alors visiblement c'est un lycéen de Saint-Georges, hein, c'est pas un lycéen de Bainbridge, mais c'est vrai que c'est la même zone, les trois lycées sont dans la même zone. C'est des trucs qu'on peut connaître à Bellevue, c'est des trucs qu'on peut connaître à Melchior, c'est des trucs qu'on peut connaître, je sais pas. Il y a quelqu'un qui a dit Rama sur le web. Oui, peut-être. Hashtag G97, hashtag TraceFM 0820 203 le sang. L'émotion est parfois beaucoup plus parlante que tous les mots. Il m'a levé. Il chier pour un portable, ça va tuer Bouga. Oh frère, couvrez maman ces messieurs, frère. Admettez son jeu, couvrez maman ces messieurs. Bon matin, là, parlez ma Bouga. Hashtag journée d'horreur, pas que pour la famille, parce qu'à un moment ou à un autre, faire comme s'il ne s'est rien passé, c'est un peu être complice. Non bébé, c'est non. En tout cas, pas les babougas, bon matin là frère. Mon portable, hein. Non mais pas ton portable, j'ai pas dit là où vous achetez ton portable, j'ai pas un travail. Où y'a maman yo encore. On dit pas d'eau. Nous filles couchées à l'hôpital, on doit se faire grâce à écouter des coups couteaux et même sa fille qui est élevée. Et j'ai l'impression qu'à tuer une pro portable. Non mais ça va qu'à faire, messieurs. Combien maman c'est pour dans ça, bon c'est pardon. Il y a beaucoup de cas qui doulent à travail. Qu'est-ce qu'ils ont fait ça, yo? Nouveau bureau, ou bien nouveau voiture, yo, travail. C'est là, yo, que connaître, hein. Yo, que foutre, si vous n'avez pas à terre. Si yo, que connaître, c'est bitter là, ça, hein. Si bitter là, pas qu'à faire. Vous gardez ni 15 ans, t'es tout vieille, tu vois. Bon, nous, pourquoi pas tirer son frère? Ça peut arrêter ça, messieurs. Et on a Laurent qui va réagir, 26 ans, il est du Lamentin. Salut Laurent, on t'écoute. Salut, moi, je vais faire par petits points, parce que ça m'est tendu. Hein. Tout d'abord, moi je dis que c'est l'État qui encourage tout ça. Hein. C'est l'État qui encourage ça. Moi je pars du principe que tu prends quelque chose à quelqu'un qui ne t'apporte déjà de force, tu ramènes dans une arme ou même de force, déjà à la base, ça c'est pas bon. Pour moi, c'est 15 prisons directes. Ouais, et pourquoi ouais. Deuxièmement, tu tues la personne. Là, c'est, on cherche même pas à savoir est-ce que c'était légitime. On cherche pas à faire un jeu, c'est pas voulu. On cherche même pas à savoir pourquoi tu as volé. Du moment que tu as tué la personne alors que ça ne t'appartenait pas, pour moi, c'est prison directe. On ne doit même pas chercher à te défendre. Mais si on fait l'exercice terrible de se mettre dans la tête de ce mec qui a porté les 7 coups de couteau, ok, à un moment ou à un autre, en fait, qu'est-ce qui se passe dans son cerveau? On lui dit non, je te donne pas le portable. Est-ce qu'il a conscience qu'il va ôter la vie à quelqu'un? Tu penses que ça va jusque là, que ça n'a aucune valeur à ses yeux, à un moment ou à un autre, que son orgueil ou je sais pas, tu sais, sa réputation ou je sais pas, la légende qu'il est en train d'essayer d'écrire, la légende même horrible, hein, qu'il est en train d'essayer d'écrire à propos de lui, tu sais, peut-être parce que une histoire de respect. Qu'est-ce qui se passe selon toi si tu fais l'exercice difficile de se mettre de te mettre dans la tête du mec? C'est... Celui qui part avec le couteau, déjà c'est un acte prémédité. Si je pars avec un couteau, c'est parce que dans ma tête je me dis qu'il va faire résistance, donc je vais utiliser le couteau. Moi c'est ça. C'est prémédité. Si je vais avec un couteau, c'est parce que je compte l'utiliser. C'est tout. C'est ça que je vois. Ton coup de gueule est passé, t'as dit ce que t'avais à dire, t'as dit ce que t'avais sur le cœur, ça t'est déjà arrivé? Ça m'est arrivé une seule fois. J'ai dit bien une seule fois de me faire braquer. Mais moi, je me dis, c'est parce que je n'ai pas écouté l'enseignement du plus grand. C'est ce que j'aurais dit. C'est pour ça que ça m'est arrivé. Il y a des gens qui disent qu'en même temps, entre guillemets, il y a des pingouins qui ont le profil pour se faire braquer. Je sais pas si ça fait réagir des gens derrière la radio. On a Johan qui va réagir, il est à Mornalo. Il y a Christian aussi, on revient juste après ça. Princesse 300, dans tous les coins de l'archipel, t'attendent des centaines de gens qui, comme toi, veulent trouver l'amour. Ici, ICI au 96-300, consulte les profils d'hommes et de femmes de toutes les Caraïbes. Alors envoie par SMS, ici, au 96-300. 50 centimes plus prix du SMS DGP. www.trace.fm. Pour la rentrée, Digicel n'a pas fait les choses à moitié. Tous vos forfaits Digicel sont à moitié prix pendant 2 mois. Que diriez-vous d'un forfait no limite 1 heure à 8,50€ pendant 2 mois? Rendez-vous vite dans votre boutique Digicel. En ce moment, le nouvel Alcatel Pop 4 Plus avec son grand écran 5,5 pouces est à 29€. Et le nouveau Wicolini 3 est offert. Vivons l'extraordinaire. Digicel. Offre valable jusqu'au 2 octobre 2016. Remise appliquée sur le montant des 2 premiers mois de forfait. Prix des mobiles dans le cadre d'une offre portabilité. Durée d'engagement minimum de 12 mois. Voir conditions en point de vente. Ton couple est-il fait pour durer? Infini au 97-300. Un mois, un an, 10 ans, une vie? Envoie Infini, INF, INI au 97-300. Nos experts pourront te donner la réponse. Infini au 97-300. Trouve la sérénité et avance. 65 centimes plus prix du SMS DGP. Ce dimanche soir, entre 19 et 22 heures, Trace FM te rejoue le meilleur de Génération 9-7. Le replay. C'est le replay de Génération 9-7. On va parler ce soir. Dirty Talk. Dirty Talk. J'avoue être sensible aux gémissements. Pas n'importe quel gémissement, parce qu'il y a des gémissements qui sont vraiment horribles. Les pornos japonais, j'ai du mal. Ah, moi j'adore. Et t'as gémissé ? Génération 9-7, le meilleur de la semaine. La crème de la crème des conneries de la semaine. En rediff ce dimanche soir entre 19 et 22 heures sur Trace FM. Le replay de Génération 9-7, aussi dispo sur trace.fm. Lundi 26 septembre, c'est ton rendez-vous du mois. 9-7 People. Et Trace Urban t'a concocté une émission spéciale vacances. Rencontre les vacanciers de la Mercury Beach à Sainte-Lucie. Une fois n'est pas coutume, c'est leur playlist qui est à l'honneur dans 9-7 People. Tous ont choisi le titre de ces vacances 2016. En bonus, les images des concerts de Machel Montano, Feyyan Lions et Bungie Garlin. 9-7 People, spécial vacances. 9-7 People, spécial vacances. Lundi 26 septembre à 19h aux Antilles et 20h en Guyane sur Trace Urban. We love hip-hop and R&B. Ce programme vous a été présenté par McDonald's. Tous les soirs sur Trace FM. On est avec Laurent, on est avec Johan, Christian. Ils appellent chacun de leur côté, d'endroits complètement différents. C'est la force de la génération 9-7, où que tu sois, Mada, Guada, Yana, débarquer en direct. Ce soir, l'actualité concerne Guada, mais finalement concerne tous les départements ou tous les gens qui ont pu se sentir déjà ou braqués, ou agressés, ou pas en sécurité, simplement aux abords de leur établissement scolaire. Laurent, tu voulais terminer ta réaction, mec? Oui, donc là, j'aborde le deuxième et dernier point, je serai pas long dessus. Le deuxième point pour moi, c'est phénomène de mode. Je m'explique. C'est un rap qui m'a demandé si ça me fait déjà arrivé de me faire braquer. Je te dis oui. Je vais faire un petit détail dessus, je vais pas épiloguer dessus. Moi, avant, dans mon temps, c'est pas si vieux que ça, mais dans le temps, je me suis fait braquer. Le phénomène de mode, c'était la sacoche. Je sais pas si tu n'as pas connu la sacoche Lacoste. Donc, moi, je voyais tous mes camarades avec une sacoche, Lacoste, deux poches, trois poches, des poches, tout. Moi, je voulais une absolument. Tu vois, histoire de suivre le phénomène de mode. Moi, les plus grands m'ont dit, bon, mes parents m'ont dit, non, oh, c'est pas la peine d'aller avec ça, les choses, on va te faire braquer, on va aller le ménage. Mais bon, maintenant, je vais te faire braquer, je vais quitter ça et tout. Mais Laurent, tu sais que je me pose une question, je me demande si parfois il n'y a pas une hiérarchie quand même. À un moment, Bouglara a entré la geôle, tu sais. Alors tu es là pourquoi? J'ai tué trois personnes. Trafic de stupéfiants. Ouais, un braqueur, mon éveil, on peut en pas tes vêtements, ouais. Non, tu vois. Tu vois, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas une hiérarchie même? C'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, est-ce que l'erreur, c'est pas de penser de la part de ces gars-là qu'aujourd'hui braquer un portable et parce que quelqu'un te résiste, le tuer, tu es quelqu'un? Ouais, mais c'est ça, c'est l'État encore qui cautionne tout ça. Moi, je dis, tu braques quelqu'un, tu suis quelqu'un pour téléphone. Excuse-moi, la prison, pour moi, la prison, c'est enfermé dans un endroit sans fenêtre. Tu es là, au noir, dans le noir. Tu le sens, on te donne un petit truc à boire. Là, je suis pas hard. Mais on te donne un petit truc à boire, tu vois, une fois par semaine. Quand on va te faire ça, quand tu vas voir que tu dois piocher encore 3 ans, que tu es là, ça ne fait qu'une semaine que tu es là. Tu as réfléchi, tu as dit merde, quand je sors de là, il faut que tu arrêtes. Il ne faut pas que je revienne. C'est pour ça en prison ici, les gens sont comme chez eux. Voilà, pour moi, c'est ça. C'est ça, ils sont là à chaque fois, ils sont comme chez eux. C'est ça. En fait, tu trouves le système trop permissif, les prisons pas assez décourageantes. Et puis, peut-être qu'on peut en vouloir un petit peu aussi à Apple. Parce que tant qu'à faire, ils font des objets de plus en plus de valeur. À un moment ou à un autre, si t'as un téléphone portable de 1000 euros, que ça crée l'envie à un moment ou à un autre. Cette société de consommation crée l'envie. C'est ça. Ça, c'est le phénomène de mode. Ça, pardon. Deuxième point, c'est le phénomène de mode. Moi, je me dis, tu as un enfant, tu sais qu'il va à l'école. Tu sais qu'à l'école, il y a toujours des gars qui sont en train de déprimer les abords, toujours à trouver ce qu'ils ont. Excuse-moi, ton enfant, il a besoin qu'il t'appelle, tu donnes le téléphone. Je sais pas, moi, 49 euros, 50 euros. Allô, papa, maman, j'ai fini, est-ce que tu veux me chercher, c'est fini. T'as pas besoin de lui offrir le dernier iPhone ou le dernier Samsung. Ben. Ton enfant, il est à l'école, il a besoin de taper 50 euros, c'est bien. Ça fait voir que 50 euros, ça va. Il y a des gens qui disent que peut-être le problème serait contourné en ayant un téléphone portable qui n'est pas de valeur, genre Wiko. Wiko, ça reste quand même assez cher, mais bon, je sais pas, pas de valeur, mais bon. Mais surtout qu'il me semble que c'est un Wiko qu'il avait. Ah ouais? C'est ce qui se dit? Ah ouais. Ouais. Sérieux? Ah, c'est pour ça que les gens font pour un Wiko, quoi. Ah d'accord, ok. Hashtag G97, hashtag TraceFM. Laurent, t'as dit tout ce que t'avais à dire, mec? Oui, tout à fait. Oui, on a Johan de Mornalo, 18 ans. Salut Johan, bonne soirée Laurent, ciao. Salut. Ciao. Salut, bonsoir. On t'écoute Frangin. Alors déjà, je souhaiterais présenter mes condoléances à la famille du jeune. Et puis voilà, ben Brut, j'en connais déjà, ça dure, moi-même j'ai vécu cette situation. Sauf que moi j'ai pu me défendre contre mon agresseur, il a fui. Et à la fin, bof, la police font rien. T'as fait quoi pour te défendre? Ben, j'ai commencé à le frapper. Donc vous êtes battu ou bien il a juste subi? Du coup, non, en fait, je lui ai mis un coup de poing au niveau du visage et lui, il s'attendait pas, en fait, du coup. Et lorsqu'il a vu que j'allais continuer à le frapper, il a fui, quoi. Il est parti. Il était pas armé? Il était seul? Non, mais... Oui, en fait... Même, tu poses plein de questions, ça. Mais, ouais, mais attends, à un moment ou à un autre, surpris, en fait, parce que non, je suis pas certain. Je suis pas certain que ça soit si anormal que ça. Il y a parfois pas des grands courageux, en fait, derrière le fait de braquer, hein. C'est juste la tentative de pression. C'est-à-dire que parfois, il y a un mec qui est pas derrière forcément ses paroles, qui va juste à l'intimidation. Ça existe. Ouais, et puis, des fois, tu tombes sur le con et c'était pas bon. Ah oui, mais en même temps, comment il dit mon tonton? C'est la sélection naturelle en Chouaï. Après, je suis désolé parce que cette phrase n'est pas du tout à attribuer au décès de ce jeune garçon qui a rien demandé pour subir ce qu'il a demandé. Je parle simplement à un moment ou à un autre. Tu vois, j'en reviens à la hiérarchie. À un moment ou à un autre, en fait, est-ce que ça fait de toi un putain de... Tu sais, Il y a des histoires qui nous ont fait triper de gangsters, de Scarface, en passant peut-être par Al Capone, par plein d'histoires qui nous ont été racontées. À un moment ou à un autre, tu vois, tu prends un mec, il a tué pour un Wico. Est-ce que c'est pas un ravette? À un moment ou à un autre, quand il va rentrer à Fonsaraï, est-ce que c'est pas justement arriver à prouver, arriver à montrer qu'en fait, à quel point c'est un ravette, braquer un téléphone portable. On n'est pas très loin de l'histoire aussi qui s'est passée à Hans Bertrand. Vous vous rappelez de cette histoire, Hans Bertrand, un gars qui fait son anniversaire, il doit y avoir 3 bouteilles de champagne, les mecs doivent avoir 50 euros sur eux, des téléphones portables, et il y a les mecs qui débarquent cagoulés. Vous vous rappelez de cette histoire, Hans Bertrand? Oui. Ça vous dit quelque chose ou pas? Oui, c'était, je sais pas, c'était il y a environ un an, grosso modo, je sais pas exactement la date. À un moment ou à un autre, quand tu fais un truc comme ça, je sais pas, c'est quand je regarde Réservoir Dog, moi j'adore ce cinéma, j'adore cette histoire. J'ai pas le profil d'un gangster, mais tu vois, j'adore Réservoir Dog. Quand un Tarantino, il te monte un, entre guillemets, un gangster de grand nom, les mecs se battent pour 1 million d'euros et puis ils s'entretuent entre eux, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? À un moment ou à un autre, 150 euros, la mort de quelqu'un, l'âme de quelqu'un sur ton âme, sur ta propre personne, et en même temps, qu'est-ce que tu vas faire de sens, enfin, concrètement? Après, franchement, il y a plein de gens qui arrêtent pas de dire, les prisons sont trop sympas, les gens font trop ce qu'ils veulent en prison, les téléphones portables, ah, bah, si ça se trouve, le téléphone portable qu'il a réussi à prendre, peut-être qu'il l'utilisera en prison, parce que ça, on n'arrive pas à le contrôler. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Joanne? Ben oui, moi, je dis que la prison, pour moi, la prison, c'est pire des vacances, pour les gars, il manque juste la piscine. Si tu prends n'importe quoi, les mecs ils ont la télé, leur téléphone, des tablettes, tranquille. On voit sur les réseaux, hein, les mecs qui font des vidéos, il y en a qui font même de la musique en prison, donc c'est du, pour moi c'est du grand n'importe quoi. Et puis il y a la police aussi, bon, se laisse tomber. La police à Bainbridge, les mecs ils sont 3 dans une voiture, ils se gardent dans le parking de jardin et c'est fini, les mecs ils défendent pas, hein. Ouh. On a Junior Seri qui dit chaque fois ça peut arriver. Il y a Faustin aussi, il y a sur le campus de Troubiran en Guyane, il y a plus de 30 braquages. Alors ça dépend, si c'est en 30 ans et ça fait un par an, mais si c'est cette semaine, c'est un peu chaud. On a Mademoiselle Sissi qui dit le témoignage de la fille tout à l'heure m'a touché, marre de toute cette violence. Choupinette qui dit ça à Krakinette. On a également Mathieu qui nous rejoint. T'as dit tout ce que tu avais à dire, Joanne? Oui, ça va, tranquille, hein. C'est bon pour moi. Yes, I. Mathieu, t'as 23 ans, tu voulais dire quoi, toi? Allô? Ouais, yes. C'est toi. Non, non, en fait, je dis sincèrement que le fait, bon, se faire braquer, ça peut arriver, ça, y a pas de souci. Mais je pense que les gens qui se font agresser, honnêtement, les gars, on vous demande votre portable, on vous demande votre chaîne ou quoi que ce soit, donnez votre chaîne, donnez votre portable. Ça ne sert même pas d'entrer en confrontation pour de la futilité. Bon, après, ça va faire chier parce que le portable coûtait 200 euros. Parce que ça fait 6 mois que tu n'as pas fait la synchronisation. Comment? Parce que ça fait 6 mois que tu n'as pas fait la synchronisation et puis il y a Sexy Choupi qui t'avait enfin lâché la techa. Mais à un moment ou à un autre, ça reste que du matériel, je te rejoins. Ben oui, ben oui. Mais est-ce que c'est pas cautionner, mec? Est-ce que c'est pas dire ok, eh ben je suis la victime, je suis le fragile, acharne-toi sur moi. Est-ce que c'est pas un signal que tu envoies comme ça? Non, je vois pas ça du tout. Après, tout est relatif, faut faire attention, ça dépend de la situation, du contexte et tout. Bien sûr, voilà, je suis un petit, imaginons, je me mets dans la peau d'un petit binocleur, voilà, qui n'est pas très imposant. Bon, assume. C'est un petit binocleur qui ne boit pas, casser la gueule de l'agression. Donc tu donnes ton portable et tout. Mais bon, tu sais que tu as un petit sport de combat, un petit kickboxing, bon. Si le cas de se présente, tu peux remplacer une ou deux. Mais bon, c'est tout est relatif en fait. Mais moi, ce que je veux faire passer comme message, c'est que nous, on a tendance à comprendre à quoi que ouais, on a ça, on est méchant, on est ceci, on est cela, on regarde tout le monde méchamment, ça c'est la vérité. On montre qu'on est méchant, on est méchant d'après nous. Après, bon, il y a celui-là qui sort une arme, c'est bon, on est plus méchant. Donc moi, ce que je dis, c'est que voilà, il faut savoir analyser. Mais sincèrement, moi, je me connais. Un gars vient, je suis dans ma voiture, même si c'est même pas ma voiture. Un mec arrive avec un pompe dans ma tête, descend de la voiture, je n'avais même pas à faire un genre à essayer d'accélérer pour partir, ou rentrer vers pour essayer de partir. Je sais que c'est mort. Je défends, je donne ma voiture. Je ne vais pas sacrifier ma vie pour du matériel. Enfin, bah les couilles. L'auto a lieu pour y aller, mais pas de me cacher dans l'auto. C'est ça, il faut être fort mentalement. Et bon, après, ça dépend. Il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte, en fait. Mais franchement, c'est le message que je me suis passé, quoi. Voilà. Mais le petit gars, il a donné son rico. Bon, je suis pas le petit gars. Il a essayé de... Il a tenu. Pour toi, son erreur, c'est d'avoir résisté. C'est chaud ce que tu dis quand même, hein, mec. Hein. À un moment ou à un autre, il y a des gens qui ont résisté sur cette planète, qui ont fait des grandes choses, qui sont aujourd'hui dans les livres d'histoire. Oui, je suis d'accord. Mais maintenant, alors parlez franchement. Moi, je parle franchement. Alors qu'il est, s'il avait donné son bon table, alors qu'il est, c'est qu'il prend un petit sous-pays, tranquille, voilà quoi. Bon, c'est dur à dire, c'est très très dur à dire, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Mais Mathieu, vous pouvez en dire en bitin. Je vais te dire sincèrement, c'est quoi concrètement la communauté entre guillemets de gens susceptibles de te péter ton portable? Est-ce que tu penses qu'à l'échelle, ne serait-ce que d'une communauté scolaire, ils sont aussi nombreux? Non. C'est quoi? C'est 100 personnes? On a perdu Mathieu, le temps qu'on le récupère. C'est quoi? C'est 100 personnes? 150 personnes? À l'échelle de la population, les gens qui sont prêts à braquer pour un portable, c'est quoi? 3000 personnes sur des populations qui vont de 300 000 à 400 000 personnes selon le département dans lequel tu es? À un moment ou à un autre, moi je pense que le premier truc, en fait aussi, qu'il faut accepter de se reprocher pour se regarder en face dans un miroir, c'est que je pense qu'on n'est pas assez solidaires les uns des autres pour éviter que ce genre de choses puissent se faire. C'est vrai que t'en as parlé tout à l'heure, un peu indirectement Sabri, t'as parlé des gens qui se font braquer, qui ont un peu honte, qui restent dans leur coin, qui portent pas plainte, qui ne prennent pas des informations ou transmettent pas des informations. Certains connaissent leur agresseur et ne vont pas témoigner. Pourquoi? Par peur des représailles. Par peur des représailles. Mais cela, je les comprends complètement. Tu connais l'agresseur te connaît, c'est t'es dans une situation un peu plus compliquée. À la limite, si c'est un mec que tu connais pas dans un quartier machin qui est pas le tien, dans une commune qui n'est pas la tienne, ça c'est plus facile. Cette population représente quoi? À un moment ou à un autre, en fait, si tu veux, on est toujours plus nombreux qu'eux, okay, à pas avoir envie de se faire braquer, comparativement au mec qui va essayer de faire des profitations. S'il y avait un petit peu d'organisation, je dis ça, je dis rien, à un moment ou à un autre, on est là, je suis sûr que les premiers réflexes des mecs qui étaient en train de regarder la scène du petit gamin qui était en train de se faire prendre des coups de couteau, c'était de sortir le téléphone portable. Ils ont immortalisé les dernières secondes du garçon. Les dernières secondes du garçon. Donc ça veut dire que ton premier réflexe, c'est de sortir un téléphone portable plutôt que vous êtes 700, vous êtes 600 à sortir. À un moment ou à un autre, il y a personne qui s'organise, il y a personne qui se dit dans sa tête, putain, ces mecs-là, on peut régler ça. Alors oui, je peux comprendre, c'est humain d'avoir peur, de se dire c'est moi qui vais prendre le coup de couteau à la place du gars, autant que ce soit lui que ce soit moi. Ok, ouais, je peux le comprendre. Mais regardons-nous en face. À un moment ou à un autre, on est suffisamment nombreux pour pas que ça arrive. On est suffisamment nombreux pour éviter que ça continue, pour éviter que ça se passe comme ça. Les gars, c'est une poignée de gens qui terrorisent une plus grande, un certain nombre de personnes qui, s'ils étaient organisés, seraient plus puissants, plus effrayants encore. Le problème aussi aujourd'hui, c'est que de nos jours, c'est tellement courant que, enfin. Ça se banalise. Sept coups de couteau, ça s'est pas fait en une seconde, quoi. Enfin, il y a eu répétition, il y a eu acharnement, il y a eu un certain temps pendant lequel on avait le temps de réfléchir et de se dire, putain, on va peut-être faire un truc, quoi. Comment tu fais pour réfléchir face à une agression? Il y a des gens qui trouvent le moyen de réfléchir en se disant, il faut que j'appuie sur le bouton record pour immortaliser le moment. Est-ce que tu penses que le couillon va se dire, je suis même pas certain que ce soit couillon comme réflexe, c'est juste un réflexe. Aujourd'hui, notre société, de notre génération, c'est un réflexe. Tu sens c'est peut-être aussi le réflexe pour se protéger. Non, mais tu sais pourquoi ce mec-là, il a ce réflexe? Tu sais pourquoi ce mec-là, il a le réflexe? Parce qu'à un moment ou à un autre, l'autre réflexe n'existe pas de se dire, putain, on est 600 à sortir en même temps, à la même heure, il y a un moment. Comment ça peut fait? Comment ça peut arriver? Tu vois ce que je veux te dire? Si à un moment ou à un autre, il y avait un autre réflexe que celui de sortir son portable, de subir, d'immortaliser, de se prendre pour un reporter, peut-être qu'effectivement je blâmerais ces personnes. Il a sorti son portable, c'est son réflexe, c'est sa seule manière de s'exprimer par rapport à la société. Ouais, ok, je trouve ça dommage. Je me dis à un moment ou à un autre, les gars sont trois. Il n'y avait pas 800 braquages en même temps entre Bainbridge, Saint-Georges et Jardin d'Essai. Il n'y avait pas 800 personnes qui étaient en train de braquer. Il n'y avait pas une armée, en fait. Mais c'est pareil dans tout. Qui sera le premier à aller défendre le mec? Et puis qui te dit que c'est pas lui en plus qui va prendre le coup de couteau? Parce qu'il sera allé tout seul, parce qu'il va dire qu'on vit dans la peur. Ça veut dire qu'on vit dans la peur, mais en permanence. Dans la peur, t'as un couteau en face de toi, c'est normal d'avoir peur. Et en fait, tout le monde se dit, quelqu'un d'autre va réagir, en fait. On espère qu'il y aura quelqu'un d'autre, quoi. Ouais, donc on fait une partie de ping-pong et on voit qui gagne la balle. Je sais pas si Gaëlle le connaissait, elle dit qu'elle se sent vide d'une partie d'elle-même ce soir. Encore quelques malveillants inutiles à ma société. La solidarité, c'est déjà une grande solution. Yannick, après, on peut défendre un gars qui... Yannick, on peut pas toujours, pardon, défendre un gars qui se fait braquer. Loulou, je dis, il faut arrêter de blablater. Tu veux un téléphone, tu vas couper les herbes de la commune pour acheter un truc dans ta vie. La vie, c'est pas en bol, Tolomon. On a Zibridé qui est d'accord avec Mathieu. On a retrouvé Mathieu ou pas? On a des galères, hein. Galère. Mathieu? Allô? Non? Toujours non, pas? Ça passe pas. Je crois qu'on a Émilie qui va nous rejoindre. On a Christian également qui nous appelle. Bonsoir, on commence par qui? Christian. Allô, Christian? Oui, salut. Salut. Tu voulais réagir, oui. Christian? Oui, réagir. Je voulais surtout souhaiter la condoléance aux parents du gamin, puisque bon, moi je suis aussi un père de famille, donc j'ai un gamin qui a quasiment l'âge de celui qui a perdu la vie, donc je pense que c'est vraiment pas difficile pour ces parents-là ce soir d'accepter de voir partir le gamin le matin et de ne pas le voir rentrer, quoi. C'est dur. J'ai entendu quelques réactions. Sur WhatsApp, des personnes réagissent, sur Facebook aussi. C'est vraiment pas facile à accepter. C'est pas un membre de notre famille, mais aujourd'hui, la violence est tellement présente que dès que quelqu'un est touché, on se sent concerné et on se demande comment on sortira de ce truc. Est-ce que t'as une solution, un début de solution en te disant ça serait quoi la meilleure réponse en fait à la violence? On me souffle dans l'oreillette en fait que t'es humoriste. Ouais. Est-ce que c'est l'humour la réponse à la violence? Est-ce que au moins, mine de rien, l'humour permet pas aussi de verbaliser à haute voix des choses qui terrorisent tellement si ça reste dans notre coin, si on n'arrive pas à le railler, si on n'arrive pas à en faire un sketch? Aujourd'hui, il faut faire plein de choses. Moi, ça fait... je suis pas un humoriste professionnel, ça fait quelques années que j'en sais quand même. Donc, j'ai toujours travaillé sur des thèmes, des faits de société, sur ce que nous sommes au quotidien et le faire passer avec de l'humour pour qu'on puisse prendre conscience quand même de ce que nous sommes. Donc, on a toujours caricaturé les choses pour faire passer la pilule le mieux que possible. Mais c'est pas toujours simple et évident. Il y a beaucoup d'autres pistes à explorer. La meilleure des pistes aujourd'hui, ça reste l'éducation. Mais l'éducation aujourd'hui des parents doit être appuyée par la politique. Parce que les parents aujourd'hui ne peuvent pas faire les choses concrètement. Aujourd'hui, les parents ont moins de droits sur les enfants. Ils ont plus de devoirs envers les enfants que de droits. Et ça, c'est pas normal. Je pense qu'un adulte a tous les pouvoirs de voir venir les choses et de pouvoir punir un enfant. Je ne dirais pas l'assassiner de coups, mais punir, il y a 10 000 façons de punir. Mais aujourd'hui, les enfants deviennent adultes trop tôt. Trop tôt, et nous aussi, nous les exposons à trop de choses. Et maintenant que c'est fait, en fait, Christian, j'ai presque envie de te dire, est-ce qu'on va véritablement pouvoir retourner en enfance? Non, je crois pas. Est-ce qu'on va pouvoir... En arrière, tu veux dire? Ouais, en enfance, simplement en enfance, parce qu'à un moment ou un autre, l'enfance, c'est un peu associé à l'insouciance, c'est associé à plein de trucs. Tu nous dis qu'on grandit trop vite aujourd'hui. Est-ce qu'on peut vraiment encore retourner en arrière? Non, on vit avec le monde avec lequel on vit, tu vois. Tout à fait. Et je me dis que quelque part c'est quand même assez bizarre parce que je suis en train de réaliser exactement qui tu es. En fait, tu es le mec qui m'a fait sourire vers midi. Et en même temps, là on est en train de parler au téléphone pour un truc complètement dramatique qui est à l'opposé. Impossible d'en rire, c'est certain. Et pour autant, je trouve que t'as eu le réflexe. Pourtant, c'était aussi de la colère, c'était aussi de l'énervement, mais que t'as tourné de manière complètement différente. En fait, quand tu nous as fait rire dans la mi-journée avec ton petit sketch, pour vous expliquer, tiens, Sabri, explique un petit peu qui est Christian en fait aux gens qui nous rejoignent. Ouais, Christian, c'est lui qui a fait la vidéo. Il était dans sa voiture. Forcément, ça devait se passer juste après la scène. Une mamie, visiblement, qui a fait marche arrière dans un rond-point parce que à son époque, Il parle vraiment comme les mecs de BFM TV, hein, Sabri. Ouais, visiblement. Nous sommes devant cette porte. Non, mais tu, en fait, c'est toi l'auteur, c'est... l'auteur de Rompe-Ouin. Voilà. En fait. Un Rompe-Ouin. Et c'est un coup de gueule un peu plus léger, ouais. C'était un coup de gueule, mais bon. Coup de gueule dans l'humour, parce que de toute façon, quand ça s'est fait, moi de mon côté, en voyant la personne au volant, je me suis dit que la personne a certainement un problème pour faire une chose pareille. Donc après, je prends toujours les choses avec beaucoup de philosophie. Je travaille sur la route toute la journée. Donc regardez des caméras, j'en vois toute la journée et éviter des accidents, c'est 3, 4 fois, 5 fois par jour. Donc c'était le moment de détente. De temps à autre, je poste des vidéos pour quand même casser le rythme de la journée pour tous ceux qui ont accès à Facebook, aux réseaux sociaux. Donc je l'ai fait dans le sens où c'était un petit coup de gueule, mais bon, pas quelque chose de méchant, c'était plus dans le sens de faire passer. Et à 17h de faire rigoler tous ceux qui sont ça a marché, mec. Ça a marché. Il faut que t'arrêtes de parce que nous on va te vendre. Ouais. Nous on va te vendre. Ça a marché. Moi ce que j'adore, c'est ton lexique, frangin. C'est à dire qu'à un moment ou à un autre, on avait déjà eu un exemple du côté de la Martinique d'un mec qui appelait un rond-point un non-point, mais tu as encore révolutionné le genre. Ok, tu as réécrit le style et désormais un non-point ou un rond-point pour ceux qui le parlent bien. Ça peut être un rompe-ouin aussi. Moi, je propose qu'on l'écoute. Tu vas nous permettre de nous détendre un petit peu. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions autour de ça. Il y a Émilie dans un petit instant qui nous rejoint. Elle a 17 ans. Elle est au moule. Elle veut réagir. On se prépare à quoi dans la prochaine demi-heure? Il y aura les cocoteurs. Ouais. Alors, les cocoteurs, on s'est inscrit sur des sites de rencontres. Ça, c'est pour se détendre aussi un petit peu. On s'est inscrit sur des sites de rencontres. Et qu'est-ce que tu nous fais, Hugo? Qu'est-ce que tu nous fais? Alors, on va dire que je m'amuse à chauffer des personnes par message, je prends leur numéro. Garçon, et après, fille, animaux, il fait tout. Ah ouais, tout. Et je les appelle et ça donne des trucs plutôt marrants. On écoute juste avant la révolution lexicale. L'énervement, le coup de colère de Christian. Christian Geoffroy, aka Lévoise, qui est avec nous et qui nous permet de nous détendre. Avant d'écouter ta réaction, Émilie, de revenir avec du big quiz également, attendez. Ça venait de se passer. La nana a reculé dans un rond-point. Ça l'a énervé. Voilà ce que ça donne. Mais n'importe quoi. Il y a moun qui a fait n'importe quoi. Hein? Comment se fait ce-t-il que ou qu'a fait marche au dans un rond-point? Comment tu peux te permettre de faire marche au dans un rond-point? Moi qui a fait de quoi? Qu'a fait? Je boue de ton derrière, puisque tu es en train de faire marche arrière dans un rond point. Et qui m'a dit qu'il entend? C'est moi qui suis rentré dans le rond. Madame, comment tu peux te permettre de faire marche arrière dans un rond point? Hein? Parce que oui, à l'âge à comprendre, j'allais me 40 ans pour permis. 40 ans pour permis. Pas tenir ça dans le code de la route là. Pas tenir où on prend le code de la route. Donc, je foutais où à dans le babalé là. Je foutais où on prend tout partout en Guadeloupe. Donc, ou pas ça qu'à bouffer. Madame, lorsque tu as raté la sortie, tu comptes nous. Tu tournes. Tu continues à tourner. Tu tournes dans le tour du rond-point. Ou quoi continuer à contourner le rond-point là. Tu le contournes le rond-point. Tu n'avais pas marché ou hier dans le rond-point pour que je ne sois pas de bouée dans ton. Derrière. Bon, bravo, bon rentrer à casa moi. Avant de ne pas foutre madame pour babe la vie là. Bonne route. Tu nous as bien fait rigoler quand même, hein, ce matin, mine de rien. T'étais sur la route, t'étais en train d'écouter quelle radio, Christian? Ça m'était assez fait quand même. Putain, bah fallait que ce soit dit, mec. Parce que j'entends le Tory Lanez, tu sais, qui tourne derrière. Le mec, il est en train d'écouter Trace et puis tu sais, il fait le grand pain, tu que le grand tourne. Comment tu dis ça? Tu le comptes rourne. Tu le comptes rourne, mec. Tu sais, c'est. Franchement, bon, c'est après que je me rends compte de cette connerie. C'est toujours après qu'on se rend compte, hein. C'était pas calculé. C'était dans le flou et puis c'est sorti et puis voilà, hein. Eh ben, nous allons te faire un cadeau, mec. Nous allons te faire un cadeau parce que nous avons kiffé que tu sois en train d'écouter Trace, même si d'autres radios ont essayé de tirer le buzz à eux. Nous allons te faire un cadeau énorme. Prépare-toi. Ce soir, je m'engage. 21h17 aux Antilles, 22h17 en Guyane. La stagiaire, rapproche-toi. je m'engage avec le stagiaire parce que moi j'aurai pas le temps. Oui, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Le stagiaire, rapproche-toi d'un micro. Non, mais ok. Pas de Yannick Onfray. Le stagiaire n'a pas de prénom chez nous, mais par contre il est corvéable à souhait. Le stagiaire, maîtrises-tu la musique? Oui, je le jure. Maîtrises-tu le mixage? Je le jure un peu. Est-ce que tu... Pourquoi il t'a pris pour un juge? Pourquoi? Je sais pas pourquoi. Peu importe. Tu as entendu cette petite séquence d'environ 1 minute 23 secondes, pour être précis. Elle est magnifique. Ok. Cette séquence, tu vas la sublimer dans un remix exceptionnel. Tu as jusqu'à demain. J'allais te dire bonne nuit, fais de beaux rêves, mais en fait, bosse bien. Il pourra pas dormir. Et demain, nous te rappelons, Christian. Nous aurons fait une chanson de ton buzz, parce que franchement, tu nous as honoré en écoutant Trace derrière ta vidéo. T'étais là tranquille dans les embouteillages. Demain, nous t'honorons avec un remix. Et nous te rappelons, Christian. Ok. Ok. D'ici là, moi, je vous promets une chose. Ouais. C'est de vous faire une vidéo, mais avec vraiment le son Trace FM derrière. Ok, ça marche, pas de problème, pas de souci. Hashtag G97, hashtag Trace FM 0820 203 200 d'ici là. On va rebrancher les platines, on revient avec la réaction d'Emilie. Emilie, on t'a pas oublié ma chérie, hein. Tu bouges pas, tu raccroches pas. Il y a beaucoup de monde au standard. On va faire du big quiz aussi. D'ici là, on va se détendre. Attention, nous allons appeler les cocotteurs dans un instant. Les cocotteurs, les gens super chauds qui ont des profils sur les sites de rencontres. Eh ben nous, on les appelle désormais. C'est Hugo qui s'y colle, c'est tout à l'heure. Sérieux? Elle me rend dur, dur, dur. C'est peut-être quelqu'un que tu connais, c'est peut-être toi, reste là. Génération F7, 100% radio libre, 100% radio libre. Tous les soirs, sur Trace FM. Vous êtes étudiant, vous êtes enseignant. DigiLife vous offre 10% de remise exceptionnelle sur le tarif métropole pour l'achat d'un nouveau Mac. Vous pourrez également essayer tous les iPads et tous les iPhones dans les meilleures conditions et profiter de nombreuses offres spéciales rentrées. Nos experts Apple vous apporteront des conseils personnalisés ainsi que tous les services et garanties que seul un Apple Premium Reseller est à même de vous proposer. Rendez-vous chez DigiLife, centre commercial d'Estreland et sur digilife.fr. Offre valable jusqu'au 15 octobre et soumise à conditions. Trace FM, premier sur les hits. Le soir, entre 18 et 19h, en attendant l'arrivée de Génération 97, Hugo et Tijo Sound font monter l'ambiance. 18h, 19h, ne rate pas le before de Génération 97. Une heure de mix mixé par Tijo Sound. Ou bientôt le collège. Le DJ officiel de Génération 97. Génération 97, le before. En attendant ton show libre antenne, les hit trace mixés font gronder les basses toute la semaine entre 18 et 19h sur Trace FM. Trace. Premier sur les hits. James Bond, Mr. and Mrs. Smith et Jason Bourne n'étaient pas disponibles. Alors pour sauver le monde, il ne reste plus que... J'ai un plan. Ça pourrait peut-être nous tuer tous les deux, mais dis-toi que si ça passe, on va devenir de vraies légendes. C'est cool. Non, ça n'a rien de cool. Dwayne Johnson, Kevin Hart, agent presque secret. Cet été, on sort les gros calibres. Agent presque secret, actuellement aussi. Exprime-toi librement dans Génération 97 sur Trace FM. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale. Big up Tijo Song, Big Bad Luigi. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale. Sabrosito, vamos a bailar. Thank you. ou bas? On y va. 1, 2, 3, 4. G97, c'est la Champions League. G97, c'est la Champions League. 9-7, c'est la Champions League. 9-7, c'est la Champions League. Vous faites super bien le papa papa. Oh. Mais je préfère la version de Tijot. Tu peux me mettre, s'il te plaît, l'original. Hashtag G97, hashtag Trace FM. On revient dans un instant avec du sexe confessionnal. On parlera de quoi? De tout ce qu'il faut éviter si tu veux arriver à tes fins, parce que là, il y a de belles perles. Et en fait, visiblement, il y a des gens qui ont commis des erreurs sur leur parcours. Ah oui, en fait, tu fais un GPS vers ta cocotte. Ouais, voilà. C'est ça. Des trucs qui vous bloquent, éventuellement. Ce sera tout à l'heure dans le sexe confessionnel. On couchera les petits d'ici là. On revient également avec les cocoteurs. Les cocoteurs, c'est un appel à un mec ou une nana qui est inscrit sur un site de rencontre. Hugo se charge de les chauffer un peu. Et il n'en faut pas beaucoup, hein, parfois. Mm-hmm. On va écouter ça tout à l'heure. Sérieux? Hashtag G97, il y a du Big Quiz qui se prépare. Vous inscrivez pour repartir avec des cadeaux. 0820-203-200. D'ici là, Tijot, la gueule. On m'a donné la chauffeur, je connais plus l'échec. Je connais plus l'échec. Toujours titulaire comme Keita Sheik. Les négros en redemandent. Passe à coup de fil, y'a d'un peu frais sur que moi. Tu me passes sur les réseaux, tu t'es ma m'écrit. Tu dis que c'est la merde, passe me voir que je te démonte. Je suis toujours en apnée. Ce bâtard, je le sens pas. Tu te butes à la Yuka, on se bute à la peuf. C'est la Champions League, 7-5 c'est la Champions League, 9-1 c'est la Champions League, 9-2 c'est la Champions League, 9-3 c'est la Champions League, 9-4 c'est la Champions League, 9-5 c'est la Champions League, 7-7 c'est la Champions League, 7-7. Call me on my s- Big up Tijot son, big bad beat. You used to call me on my s- chap in a bando, I don't wanna look like you. Chap chap in a bando, I don't wanna look like you. Chap chap in a bando, I don't wanna look like you. Chap chap chap chap chap chap chap look like you. No, I don't wanna look like you. Look like you. Chap chap in a bando. Et maintenant coller la petite. Coller, coller, coller, coller. Coller la petite. Coller, coller, coller, coller. Coller la petite. Sanga, sanga, sanga, sanga, sanga, sanga la petite. Embrasser la petite. Coller la petite. Coller. Le soir, tu peux FM, génération 97, génération 97, c'est fait pour toi. Hashtag G97, hashtag Trace FM 0820 203 200. Tout à l'heure, on a une petite session calage qui se prépare avec Néo. 0820 203 200 pour être avec nous dans la Trace Radio. La radio est libre tous les soirs. On parle d'un truc qui fâche, qui énerve. La rentrée scolaire ne devrait pas rimer avec la rentrée de la violence. Ça énerve pas mal de monde, pas mal de réactions. Émilie, Stéphanie, Jérémy sont avec nous. On commence par Émilie. Bonsoir Émilie. Bonsoir. Salut, t'as 17 ans, tu voulais réagir, on t'écoute. Bon coup, je suis son ami. J'ai parlé beaucoup de ma tête. Ouais. Et comment dire, et les autres jours, en fait, ils ont passé chez moi. Donc, je disais comme ça que beaucoup de personnes parlent pour dire que... Comment tu veux ça? Qui dit que oui, j'en ai un truc il a sorti un couteau, etc. En fait, c'est même pas vrai. Mais tout le monde s'en lit tranquillement. Et j'ai des gens qui vont venir me chercher. Il y a des gens en ce moment, en fait, sur WhatsApp, en fait, qui disent que concrètement, il a cherché ce qui lui est arrivé, c'est ça? Non, c'est pas vrai. Yohan, c'est quelqu'un qui est plus gentil que lui, je ne connais pas. Dès qu'il y a quelque chose, il est toujours là. Peut-être bien parce qu'il était gentil. On l'a pris pour un CDR, mais il n'était pas fort en fait. Le gars, il était gentil. Tu connaissais personnellement en fait la victime, c'est ça? Oui, je le connaissais personnellement. Johan, son prénom. Oui, Johan. On n'ose même pas imaginer dans quel état tu es, de savoir que ton pote, tu le reverras plus. Là, c'est... Il n'y a pas les mots en fait pour dire ça. C'est désolant, il faut faire des... Moi, j'aimerais dire à toi qu'on a fait ça. J'espère qu'elle va brûler activement, parce que... Pour juste un téléphone, retirer la vie de quelqu'un, un téléphone, ça sert à quoi? Donc, franchement, là, il n'y a pas de mots pour définir ce que... Il y a même sa copine, elle ne va pas bien. Tout le monde, on était sur un groupe ensemble. Franchement, tout le monde est appelé sur le groupe. On n'arrive toujours pas à croire. Donc voilà. Est-ce que tu as été en contact avec la famille, éventuellement? Avec qui? Avec la famille. Non, j'ai juste pas contact avec sa copine. Vu que c'était quand même quelqu'un un peu de réservé, donc il n'aimait pas trop parler de sa famille. Pour moi, il ne m'a jamais parlé. J'imagine déjà la réponse que tu vas me faire, mais à aucun moment en fait de la personne que tu connais qui aujourd'hui a vécu son dernier jour, il n'y a rien qui justifie le fait, enfin, ce qui s'est passé. Franchement, il n'y a rien qui justifie ça en fait là. C'est... Franchement, la dernière chose que je lui ai dit ce matin, c'est de faire attention et qui me fait chier. C'est la dernière chose que j'ai pu leur dire après ça, on a la parole sur le groupe. C'est sa copine qui m'a alerté, qui m'a dit comme ça, qui ne me répond pas. Donc j'ai appelé plusieurs fois sur le portable, rien à faire, personne n'a répondu. Et c'est après que je vois la photo sur les réseaux sociaux pour qu'on voit ce lieu en fait. C'est comme ça que tu l'as appris? C'est comme ça que je l'ai appris. Ah, c'est chaud ça. Est-ce que... Pour les gens qui sont proches de lui, il y a des informations un petit peu qui circulent pour le dernier moment où on va honorer sa mémoire. Je sais que c'est peut-être un petit peu tôt pour en parler, mais mine de rien, je pense que vous êtes encore en train de digérer parce que c'est pas réel, ça semble pas réel en fait, au stade où tu en es. Voilà. C'est du tout pas réel. Je me dis que c'est juste de retirer la vie de quelqu'un. Je vois une soirée, ça te en train de dire « Ah, mais mon frère, amitié !» Je me dis « Mais non, ça te dit pas. Ce serait votre cousin, votre frère ou même votre père, tu vas en train de dire « Ah, mais ne pas les vidéos tournées. » Et j'aimerais dire aussi, les gens qui ont filmé la vidéo là, ça se fait pas. Il y a un respect pour la famille. Ça, franchement, les gens qui filment les fêtes, parce qu'il y a une vidéo qui tourne, on le voit sur les pompiers, ça, ça se fait pas de filmer ça. Franchement, il y a un non-respect pour la famille. Tu nous donnes l'occasion, en fait, d'avoir ce point de vue de cette personne qui le connaît, qui connaît ce jeune qui est mort aujourd'hui. Oui. Tu le connais personnellement, tu l'as appris très rapidement. Oui. Tu vois évidemment tout ce qui circule sur WhatsApp, la vidéo des derniers instants de sa vie. Comment? Tu l'as vu cette vidéo ou pas? Oui, j'ai la vidéo, moi, 20 fois sur ma galerie. Là, elle circule. Il y a des gens qui disent que même pour les journaux télévisés, c'est pas cool de mettre la photo du corps dans l'article. Est-ce que ça choque quand justement, ben, t'es peut-être la mieux placée pour nous exprimer si c'est choquant ou si justement, qu'est-ce qu'il faut faire en fait dans un cas comme ça? Est-ce que finalement, en parler, c'est très important pour pas que ça se passe dans l'indifférence? Est-ce qu'il y a des choses que t'as vu circuler, des choses qui te choquent en fait, qui peuvent circuler sur les groupes WhatsApp, qui devraient pas y circuler? Ah oui, j'ai vu des audios. Il y a un audio qui est passé disant que oui, Johan est passé devant eux et il a regardé bien méchamment et il avait un pic. Après ça, il y a un autre. Il aurait provoqué en fait, c'est ce que dit voilà. L'audio. Après ça, il y a d'autres audios. En fait, il y a un gars qui dénonce, qui dit la personne qui a fait ça. Et il y a d'autres, en fait, je ne sais pas, parce qu'il y a plusieurs audios, il y a une autre. Un autre jour encore, qui dit, plein de gens qui disent que les personnes qui ont fait circuler l'audio et les photos, en fait, la photo de la personne qui l'a tué, l'autre, en fait, ils vont tous nous tuer, en fait. Les personnes vont tous faire tourner, que ça ne se fait pas, que la Guadeloupe va mettre aussi l'anarchie. Ça, ça n'a pas se retrouvé sur WhatsApp ou autre, parce que moi, j'ai dit que ces gens-là, ça nous font à ce moment-là. Ça. Il y a une photo qui circule des agresseurs suspectés. Ou, en fait, moi, c'est une personne. C'est une personne sur cette photo de trois personnes, c'est ça? Non, la photo de trois personnes, c'est les trois qui brassent normalement. Je suis pas faute. Ok. Il y a une photo de gars un peu clair qui se recule en disant que c'est lui qui a fait ça. Et au stade où tu en es, en fait, tu es persuadé qu'il est le responsable en fait de la mort de ton ami? Moi, je dis, je n'étais pas là, je n'ai pas vu, je ne peux pas juger. Donc, ce sont quelques personnes qui étaient sur place qui pourront dire, moi, je n'étais pas là, j'ai juste appris la nouvelle. Ils sont WhatsApp, je pense que c'est X qui a fait, Y qui a fait, donc je ne sais pas savoir si c'est vrai ou pas. Donc je pense que c'est les personnes qui étaient présentes, qui ont vu ce qui s'est passé, qui pourront témoigner. Par la force, les mecs qui ont filmé, ouais. Par la force des choses, t'es un petit peu, entre guillemets, le porte-parole des proches de Johan, là, ce soir, sur notre antenne. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire et on terminera sur ça? J'ai compris. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire au nom de tous ceux qui ont pu le connaître comme toi? De ceux qui ont pu avoir une interaction au début de la journée comme toi, avec lui. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il l'est plus, à cause de cette fin de journée tragique. Est-ce que t'as quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux exprimer au nom d'un petit peu tous ceux qui le connaissaient? Bon, bah, je viens à tous ses amis, surtout sa copine, que je sais que c'est dur, parce que moi, quand j'ai appris ça, j'ai fondu en larmes. Ça, maintenant, j'ai toujours pas envie de gérer. De tenir, c'est les péripéties de la vie, même si on n'est pas tous d'accord. Et voilà, que condoléances à surtout à sa famille, sa maman, j'imagine pas dans quel état qu'elle est en ce moment. Et comme j'ai encore dit, nos parents nous envoient à l'école, on nous dit au revoir, et on n'est pas sûr de retourner chez eux le soir. Merci, donc, Émilie. Voilà. Il y a Stéphanie qui voulait réagir aussi. Salut Stéphanie! Oui, allô. Alors toi, tu nous appelles de Cayenne. On t'écoute, Steph. Comment? On t'écoute. Ah oui, en fait, je voulais dire que la violence, en fait, c'est créé à cause de l'État. Parce que, en fait, si, par exemple, il y a la prison par rapport à les jeunes, c'est qu'il n'y aurait pas tant de violence comme ça. Il y aura des jeunes qui allaient peut-être essayer d'avoir leur place pour s'intégrer vraiment à la vie des citoyens. Quoi. Pour toi, le responsable? C'est le système dans lequel on vit. Voilà. T'as le droit de le penser. T'as le droit de défendre ton point de vue. Et c'est sûr que après l'émotion d'Émilie qui exprime avoir perdu quelqu'un qu'elle connaissait bien, tu vois, c'est rigolo, c'est pas exactement le terme, mais on le connaît pas personnellement, Johan. Mais à un moment ou à un autre, son histoire, elle nous rend sensible. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une histoire qui pourrait arriver à n'importe lequel d'entre nous, n'importe lequel de nos petits frères, n'importe lequel de nos cousins, de quelqu'un qu'on connaît, de nos amis aussi, forcément à un moment ou à un autre. C'est qu'à un moment ou à un autre, il n'était pas censé, en fait, décéder dans un endroit ou dans une situation qui ne devait pas se prêter, en fait, à ça. La sortie de son établissement scolaire. C'est quelque chose que t'as connu toi-même, les agressions ou pas, Steph? J'ai déjà vu des gens se faire braquer, mais moi non. Stéphanie, moi je tiens à te dire que déjà je te trouve courageux d'exprimer un point de vue aussi, on va dire, c'est pointu quand même à aborder. Rebelle. Et je suis d'accord avec toi sur une bonne partie de ce que tu as dit. C'est vrai qu'on ne devrait pas se sentir en insécurité ou avoir peur d'inscrire nos enfants à l'école. Parce que j'adore, la meuf elle a pas d'enfant. Hein. Mais oui, mais c'est quelque chose qui pourrait me concerner. Mais on sait pourquoi maintenant. En fait, t'attends que ça soit safe. Voilà, c'est ça. Jérémy nous rejoint. Salut Jérémy, tu as 30 ans, t'es à Pointe-à-Pitre. T'as dit tout ce que tu voulais dire, Steph? Pas vraiment, mais bon. Termine. On écoutera Jérémy juste après. Termine. Là, je voulais aussi dire que c'est pas. En fait, la violence n'a pas commencé depuis maintenant. Normalement, il fallait déjà commencer à mettre en place des systèmes pour diminuer tout ça, quoi. Ok. Ben merci. Jérémy, 30 ans. De Pointe-à-Pitre, on t'écoute, Jérémy. À Pointe-à-Pitre, j'habite. À Pointe-à-Pitre, oui. Ouais, on l'a déjà ça, dit. Voilà. Jérémy, 30 ans de Pointe-à-Pitre. À Pointe-à-Pitre, j'habite. On va tout le monde là. Nous jabaille, tout pédigrao là. Pas flippé. On t'écoute, Jérémy. Ok, 30 ans. Bon, moi, déjà, premièrement, avant tout, je voudrais déjà présenter mes condoléances à la famille. Pour yon petit prière, t'as tout pour gâter. Pour gâter quand il est l'école, il vient comme ça. Pour gâter le TI. Donc, avant tout, moi, c'est quand je suis santé vite. Deuxième chose, on peut estimer qu'à partir de choses là, il y a des choses, il n'y a plus aucun sens dans la vie. Moi, enlever en la rue, enlever carinage, enlever sur tout bloc qui est mis là à point. Bon, voilà. Je ne comprends pas comment tu mal aujourd'hui. Donc, à d'accord, ça c'est des mains. Pour évoluer en téléphone, donc, à évoluer à mamie en la rue Frébo, donc, à évoluer des jeunes petites femmes, donc, à faire ça dans l'accident en la rue là. Bon, je veux dire, ça c'est des mains. Vous êtes des démons soi-disant frères, vous n'avez pas braqué une banque, mais gros. Il y a de l'argent là, vous allez braquer des petits jeunes devant un lycée, le mec il a l'école, c'est pour sa vie, et demain c'est pour sa vie. C'est moi ce que je veux te dire, moi j'arrive pas à admettre que ce là c'est la nourrissée. Maintenant on va se retrouver comme au Texas, chaque monde a fait. Alors... On a perdu Jérémy, je crois. Le temps qu'on le récupère du côté du standard, ça passait pas bien. En plus, je trouve que c'est, tu sais, ça rejoint un petit peu ce que je disais. Est-ce qu'il n'y a pas une hiérarchie quelque part, hein, même, tu vois, tout le monde n'a pas forcément le choix de mener sa vie. Certains sont effectivement obligés de requérir ou de recourir parfois à des choses qui sont de leur point de vue un instinct de survie et qui sont de l'autre point de vue simplement violence, agression, machin, etc. Si certains de ces actes, même si c'est difficile à admettre, peuvent être expliqués, d'autres sont pas forcément acceptés. Et j'ai presque l'impression d'ailleurs que quand Jérémy s'exprime, Jérémy, il a presque envie de dire que quelque part, moi-même en grandissant au côté où ça pâtait rose, ça pâtait drôle tous les jours, ça t'est raide, on avait des tentations, on avait la possibilité éventuellement de basculer, et à un moment ou à un autre, même lui trouve ça grave quelque part que ça se passe pour un téléphone portable. Jérémy, on n'arrive pas à l'avoir, qu'est-ce qui se passe? Ça passe pas. Faut que ça passe, mec. On avait envie d'entendre ce que Jérémy avait à dire. Jérémy, on essaye une dernière fois de le rappeler. On se prépare dans un petit instant à un petit moment de détente avec les cocoteurs. Restez avec nous. Jérémy, tu m'entends? Allô. Jérémy. Ton halo, il est bizarre. Hein, ouais, Jérémy, non, tu nous entends? T'es encore dans le rôle de Sarah, là? Ah, ben on va y aller juste après. Bonsoir. Je me prépare. Jérémy, tu nous entends? Essaye une dernière fois, s'il te plaît, parce que je pense que Jérémy avait plein de choses à dire. Et tu sais, j'ai senti ce mec qui, même à un moment ou à un autre, est dans la déception de ce qu'on peut stigmatiser d'un quartier, de ce qu'on peut stigmatiser parfois de certains individus à un moment ou à un autre. Moi j'ai senti ça comme ça en tout cas, mais j'ai presque l'impression qu'il a pas forcément envie de traduire l'amalgame de se dire que voilà, tous les gens estiment que la vie ne vaut rien et où vaut la vie d'un portable en fait. Vaut un portable. Jérémy, une fois, deux fois, trois fois, on essaye. Jérémy, tu nous entends? Allô. On n'arrive pas à joindre Jérémy. Tu voulais dire un truc, Lélo? Ouais, c'est vraiment dommage parce que de la manière dont il en parle, on sent vraiment qu'il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle quand il dit que, ben, à un moment donné, peu importe ce que tu dois faire pour survivre, t'as quand même un choix qui te reste à prendre de tuer quelqu'un ou pas, quoi. On a Tiffany Goda qui dit Jérémy n'a pas beaucoup parlé, mais il m'a mise d'accord en une phrase. Yo pa kai braqué banque, mais c'est Timoun yo ve braqué. Eh ben ouais, la rêveuse partage ce point de vue. On sort son portable pour filmer une agression, une rixe entre deux jeunes. Les autres les encouragent à se frapper. Aujourd'hui, le monde dans lequel on vit est chaud. On a Julie qui nous dit « Ma chérie, ne le prends pas autour du système. Il y a des emplois partout. Vos loulous couillons là ne savent pas chercher. » On a Mademoiselle Sissi qui a bien apprécié la petite session de Tijo et qui attend la prochaine. 0820-203-200. Le débat continue de toute façon sur les réseaux sociaux. Hashtag G97, hashtag Trace FM, 0820-203-200. On va s'écouter un petit Vibes Cartel. Et puis, on va écouter Marvin après la pluie. Parce qu'on souhaite le beau temps. Je te réserve le Vibes Cartel dans ta session de mix. On revient avec du sexe confessionnal. Il y a un appel au cocoteur dans un petit instant. Bah, d'ici là, c'est Marvin qui débarque sur Trace. Génération 97. Le soir. No limit. Y a pas de limite. Il n'y a pas de limite et il y a des gens qui sont chaud. Mm-hmm. Et on les a trouvés. Mm-hmm. Et c'est Hugo qui prend un grand plaisir à les piéger. Écoutez comment cet homme va devenir dur. Elle me rend dur. Sérieux? Elle me rend dur. On écoute Marvin avec Après la pluie, on revient juste après dans la génération 9-7. Mada, Guada, Yana. Une chose est sûre, le soir vous n'avez plus le... Choix. Arrêtez de m'agresser comme ça. Ici c'est la libre antenne des auditeurs. Calmez-vous. On s'est inscrit sur des sites de rencontres avec Hugo. Et tous les soirs, ils chauffent. Voir un petit peu ce qu'ils ont sous la pédale. Par exemple. Ou à proposer de gros. Apparemment, t'as l'air de kiffer. Reste avec nous, on fait ça juste après. Ça. Tracé. Aucun bluff, tout au. Elle est la grande gagnante de Trace Music Star. Cette semaine, Estelle B débarque sur Trace avec son premier hit enregistré chez le Watibé. Dernier jour. Dernier. week-end, écoute Trace FM pour découvrir en total exclu le premier hit d'Estelle B avec Canal+, McDonald's et Airstar. Trace FM. Trace FM, vous êtes étudiant, vous êtes enseignant. Digilife vous offre 10% de remise exceptionnelle sur le tarif métropole pour l'achat d'un nouveau Mac. Vous pourrez également essayer tous les iPads et tous les iPhones dans les meilleures conditions et profiter de nombreuses offres spéciales rentrées. Nos experts Apple vous apporteront des conseils personnalisés ainsi que tous les services et garanties que seul un Apple Premium Reseller est à même de vous proposer. Rendez-vous chez Digilife, centre commercial d'Estreland et sur digilife.fr. Offre valable jusqu'au 15 octobre et soumise à conditions. Premier sur les hits. Le soir, entre 18 et 19h, en attendant l'arrivée de Génération 97, Hugo et Tijo Sound font monter l'ambiance. 18h, 19h, ne rate pas le before de Génération 97. 1 heure de mix mixé par Tijo Sound. Le DJ officiel de Génération 97. Génération 97, le before. En attendant ton show libre antenne, les hits traces mixés font gronder les basses toute la semaine entre 18 et 19h sur Trace FM. Trace. Premier sur les hits. Génération 97. Génération 97, la plus grosse libre antenne des Antilles Guyane sur Trace FM. On a Marvin qui nous rejoint du côté du standard. Bonsoir Marvin. Salut. Tu t'appelles d'où? Le mec qui vient de chanter après la pluie, tu sais, il débarque. Salut, j'ai bien aimé la chanson que vous avez passée juste avant. Salut Marvin. Oui Marvin, tu nous entends? C'est Antoine, c'est pas Marvin. Oh, ah, merde. Ah bah alors comment ça a pu Antoine, arriver ça? Antoine, il chante quoi Antoine? Antoine, c'est Atoll, les opticiens. On écoute ta réaction bonsoir dans un petit tous, instant. Bonsoir à tous. Bonsoir Timal. Tout d'abord, mes condoléances à la famille. Yes. Et franchement, je trouve vraiment déplorable et désolant ce qui s'est passé, ce qui s'est passé aujourd'hui. Ce genre de choses ne devrait pas arriver. Je sais plus comment il s'appelle l'auditeur de tout à l'heure quand il a dit c'est soit en survie, soit sans se laisser faire. Moi, je suis pas vraiment d'accord avec ça. Je suis d'accord avec le fait qu'il y en ait qui soit dans la galère, qui soit entre guillemets dans la misère, mais il y a toujours de quoi faire, il y a toujours du boulot, il y a toujours des alternatives. Et arriver au point de tuer un jeune comme ça, je suis pas d'accord. C'est pas l'alternative ultime. Je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça. Aussi la vie de quelqu'un, ça reste un acte qui n'est pas anodin. Et je suis pas d'accord avec ça. Moi je suis gendarme. Et pour avoir une arme entre les mains, je connais les dégâts qui peuvent être engagés par rapport à ça, que ce soit un couteau ou une arme à feu. Hein. Et les jeunes ils se rendent pas compte. Les gens en général ils se rendent pas compte. Avoir une arme à feu, c'est être quelqu'un entre guillemets de puissant. On a le droit de vie ou de mort sur quelqu'un. Alors, c'est la manière dont tu le formules, on a l'impression qu'on a vraiment le droit de vie et de mort. Mais en fait, en réalité, tu veux exprimer le contraire. C'est-à-dire qu'il faut bien prendre sa décision avant de s'en servir, en fait. Exactement, exactement, exactement. T'as déjà eu à te servir de ton arme de service? Oui. Ça reste un moment pas agréable pour toi? Pas agréable du tout. Après, moi, vu ce que je fais, on va dire que bon, c'est lui ou moi. Je n'ai pas trop le choix. Mais ça reste un moment effectivement pas agréable du tout. Et on peut être qui on veut, mais ce sont des choses qui nous marquent. Ce sont des choses qui nous marquent et qui restent à vie. Même si on n'en parle pas tous les jours, que ce soit avec les collègues ou même au niveau de la vie de famille. Mais ça reste un acte qui nous manque tous les jours. Et peu importe la personne qui... Même les gars, vous savez, les gars qui sont en prison parce qu'ils ont tué d'autres personnes, je les crois pas et je ne pourrais pas les croire s'ils disent que voilà, bah, qu'ils ont tiré, qu'ils sont contents et qu'ils s'en foutent, qu'ils y pensent pas. C'est pas vrai. Faire usage d'une arme à feu ou même planter une personne, non. Ce sont des choses qui marquent à vie et on ne peut pas oublier ça. Et vivre avec, que ce soit dans l'état de légitime défense, enfin, je parle de moi par exemple par rapport au boulot ou même des gens, des personnes qui se défendent parce que bon ben voilà, il y a un voleur qui est rentré ou un braquage ou je sais pas. Ce sont des choses qui nous marquent à vie. On peut dire ce qu'on veut, mais ce sont des choses qui nous marquent à vie. Et malheureusement, ben, les jeunes d'aujourd'hui, ils pensent que c'est comme dans les films, que voilà, il suffit de tirer, il suffit de planter un mec, et que voilà, après tout s'oublie, tout va comme si de rien n'était, mais pas du tout. Pas du tout. Ils se rendent pas compte qu'ils gâchent leur vie, qu'ils gâchent leur jeunesse, et surtout qu'ils gâchent la vie des autres. Parce que derrière les, comme on dit, derrière les jeunes, derrière les personnes qui sont décédées, il y a des familles, il y a des amis. Et ben, ces gens-là, ils n'en guérissent pas. On peut dire ce qu'on veut, mais ils n'en guérissent pas. Ils n'en guérissent jamais. Tu sais, moi je vais te dire sincèrement, je trouve que ton métier, il est pas facile. Hein, on a eu un autre gendarme en début d'émission. Votre métier, il est pas facile parce que vous êtes les chevilles ouvrières, en fait, d'un système auquel on en veut aujourd'hui. Et finalement, vous êtes ceux qui sont présentés en première ligne. On sait vous dire, hey, bravo! Bravo, c'était super, franchement, honnêtement, vous avez dégommé ces terroristes à la con, machin, etc. Mais en même temps, on vous en veut quand vous nous mettez une contravention pour une ceinture. On vous en veut quand c'est nous que vous chopez pour un excès de vitesse. On vous en veut pour toutes ces choses-là. Et on vous en veut aussi au final, dans une histoire comme celle-là, cet après-midi, de pas avoir été là. En même temps, c'est vrai que vous restez que des humains et sincèrement, moi, je respecte ça et j'arrive à faire le cheminement à l'intérieur de moi qui me dit... Ouais, policiers, gendarmes, les mecs ils font ce qu'ils peuvent, ils font souvent avec les ordres qu'ils ont au-dessus, machin, etc. Mais au final, tu comprends cette amertume qu'on a de plus en plus envers cette société. C'est même pas pour le système, c'est au-delà de ça, c'est comment ça fonctionne. C'est que, eh ben, de plus en plus les gens sont agressifs les uns entre les autres. On parle de braquage. Oui, c'est une décision d'aller braquer quelqu'un. Mais aujourd'hui, quand tu pètes un plomb sur la route parce que quelqu'un t'a saoulé et que ça peut aller jusqu'à ce que tu te battes sur la route et que sans faire exprès, cette personne éventuellement prenne un choc qui sera le choc fatal. Aujourd'hui, on est tous de plus en plus violents, de plus en plus agressifs aussi. Comment tu gères ça dans ta peau de gendarme? Est-ce que tu as tous les moyens pour faire face à ça? En fait, Il faut savoir prendre du recul parce que comme tu l'as bien dit, nous aussi on subit certaines pressions. C'est pour ça qu'il y a le typo chez le soleil. Notamment la pression de Monsieur Tout le Monde qui tous les jours il conduit très bien et juste parce qu'aujourd'hui voilà il a oublié de mettre sa ceinture ou il a pas son téléphone, il avait son téléphone, peu importe la raison, hein, raison banale, peu importe. Hein, il téléphonait, je sais pas, à sa femme parce qu'il avait oublié un truc sur le soir, enfin, connerie, hein. Mais on subit, nous, effectivement, cette pression. Mais après, comme tu disais, voilà, il faut savoir rester humain, il faut savoir rester ouvert. C'est vrai que parfois, nous aussi, on est mal réveillés, mal lunés. Excuse-moi, je suis sur la route en même temps. Je m'excuse. Tu as le Bluetooth ou quoi? Tu as le Kisman Libre? J'ai le Bluetooth. Garez-vous sur le côté, monsieur. Vos papiers. Non, c'est le Bluetooth. Mais après, c'est vrai qu'on subit effectivement cette pression. Des gens qui, tous les jours, ce sont des honnêtes citoyens. Ils paient leurs factures. Il n'y a pas de souci avec eux. Et bon, mais comme par hasard, bon, mais aujourd'hui, ça tombe sur eux. On les arrête. Ils ont un PV à payer. Ouais. Et voilà. Mais on sait quand même rester humain pour la plupart d'entre nous. Après, je ne le cache pas, il y a des cons partout, que ce soit en police, gendarmerie, il y a des cons partout. Mais il faut quand même savoir rester humain, prendre du recul et savoir se dire, bon, voilà. Moi, je pense que je respecte votre engagement, les gars, parce que je pense qu'en fait, mine de rien, vous êtes les gens les mieux et les plus mal placés pour, en même temps, savoir le prix d'une vie. Et en même temps, hérité malheureusement de la déception. Parce qu'on pourrait se dire, par exemple, je dis une connerie, tu sais, je fais l'avocat du diable au maximum. Johan, je le connais pas, ok, je fais l'avocat du diable. Je le connais pas, bon, il est mort, c'est pas grave, ça me touche pas, machin, etc. Moi, je reste persuadé aujourd'hui que, quel que soit l'homme de pouvoir que tu incarnes, gendarme, policier, ou les gens qui peuvent aussi être dans les secteurs de d'urgence, comme les SAMU, machin, je pense que, quelque part, vous êtes peut-être les seuls, sans être proche de la victime, à finalement toujours l'être. Effectivement, je suis d'accord avec toi, puisque comme tu dis, nous sommes les premiers en général à être sur place, à intervenir. Et effectivement, on entend les peines, les joies, la colère, on subit même parfois, plus souvent que rarement, on subit la colère des gens. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident de garder son calme, mais surtout ce qui est pas évident, c'est de faire comprendre aux gens que bon ben voilà, nous devons rester impartial, ne pas prendre de parti pour un tel ou un tel, même si effectivement la victime qui vient de se faire braquer, voilà, c'est elle victime, mais il faut quand même rester impartial, ne pas dire oui, bon ben voilà, vous êtes plus braqué, mais c'est dommage, c'est dommage pour vous, il faut faire justice vous-même. Non. On va essayer. C'est dommage pour la personne, effectivement, mais il faut savoir rester impartial. Ne pas prôner vengeance pour tous. Non, pas du tout. Il y a la loi, et comme tu l'as dit tout à l'heure, mais c'est à nous de faire respecter la loi. Malheureusement, ça ne passe pas forcément tout le temps avec tout le monde. Il y en a qui font justice eux-mêmes. Alors, je ne vais pas... Je ne vais pas être d'accord à 100% avec cette idée de faire justice soi-même, mais je comprends. Je comprends que certains veuillent faire justice eux-mêmes, parce que, oui, malheureusement, on ne peut pas être partout, tout le temps. On a ce problème, malheureusement, d'effectif, et on ne peut pas mettre un gendarme ou un policier derrière chaque personne, à chaque coin de rue, ou au niveau de chaque lycée. Et comme tout à l'heure, certains m'ont dit, oui, mais pourquoi il n'y a pas plus de patrouilles, tout ça. C'est pas qu'on ne veut pas, nous, au niveau de la gendarmerie ou de la police, c'est qu'on n'a pas forcément les ressources. Et après, ce qui peut se passer aussi... Donc cette chanson-là, elle te fait pas vraiment du mal? Oui, après, bon... Je comprends, il y a des abus, je comprends. Mais on ne peut pas être partout tout le temps. Et celle-là. Hey, Mr. Policeman, I don't want no. Ah, moi, je suis pour celle-là. Toi aussi, adopte un policier, un gendarme. Hey, tu portes bien l'uniforme. La meuf qui essaye de faire basculer. Bon, Antoine, je pense que t'as un ticket. Perso, j'ai 27 ans. Donc quand je vais en boîte, même quand j'écoute ça dans ma voiture, ça m'amuse. Ah. Donc voilà. Ouais, mais bon, y a pas monsieur gendarme, c'est pas pour toi. Hein. Tu as choisi ton camp, mec. Bonne soirée en tout cas, Antoine, merci de ta réaction. La phrase de ce soir qui conclura d'ailleurs ce sujet et cette histoire terrible, c'est « La violence restera toujours une forme de faiblesse ». C'est signé Stéphane, la team CWO, ouais, ou AK Stéphane. Ouais. 0820 203 200 également sur le net, www.trace.fm. Bon, on se détend un peu ou pas? On se détend parce que certes, la vie continue. C'est clair qu'il ne s'est pas passé quelque chose et que clairement on n'a pas été indifférent à ce qui se passe et qu'il y aura probablement aussi d'autres choses à relayer autour de ça. Mais un petit élan de vie, un petit élan de sourire, un petit élan de Mako, voir dans la vie des gens qui aiment le coco, mais un peu trop. Les cocoteurs ou les cocoteuses. Et celui de ce soir, il s'appelle Maxi Coco, c'est son pseudo. Yes, on essaye de rappeler donc Maxi Coco. On revient derrière. On a une session spéciale dédicacée à tous ceux qui ont réagi au sujet ce soir. Hashtag G97, hashtag Trace FM. C'est Tijo qui est en train de préparer ça avec du Maman Capléré, du Simamansi, plein de chansons à texte. Hashtag G97, hashtag Trace FM. Allez. C'est bon, t'es prêt, Kishi? Compose le numéro de téléphone, on appelle ce soir Maxi sur notre Coco. Hotline des cocoteurs. Nous appelons Maxi Coco. Bonne chance, Hugo. Yo. Bonsoir. Ouais, salut, ça va? Ouais, comment tu vas? Ah ouais, obligé d'aller bien, frère. Tu as une belle voix. Ah, c'est vrai? Tu aimes ma voix? Ah ouais, tu sais même pas ce qu'elle me fait là. Ah, elle te fait quoi? Elle me rend dur. Sérieux? Elle me rend dur. Le bambou est bandé. Elle mesure 13 cm, rien que pour toi. 13 cm, c'est la taille de mes petites cuillères. Non, non, rien, tu fais quoi là? Là, je... On va dire, je me donne du plaisir. Je veux en prendre aussi. Ah, t'inquiète, t'inquiète. Tu cherches quoi comme... tu cherches quoi comme gars? Je veux un soldat. Un champion. Je veux que tu sois le Teddy Riner du sexe. Ah mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est sorti. C'est quoi? Mon Dieu. C'est sorti. Oh, le serpent a craché le yaourt. Ok, merci Gaza. Bon, on se check plus tard. Le soir. Génération 97. Okay. Personne peut tester. Génération 97. Sur Trace FM. Tel Macro. Ah, Hugo, c'est incroyable, c'est ce le magnétisme gars, que tu as. Le gars, il a 13 cm. Alors, moi, j'ai une question. J'ai une question, tu sais, c'est une question pour enquête intrusive. Ok. Intrusive, enquête. Ouais, c'est parce que là, pour le coup, c'est vraiment enquête intrusive. Ma question est la suivante. Oui. Maman, je t'écoute. Comment on sent après qu'un mec est éjaculé alors qu'on est un comédien dans un canular? Ben, super bien coiffé, n'est-ce pas? On termine avec une session conscience. On se retrouve demain, même heure, même antenne, ici même sur Trace FM. Merci Ness, merci Sabri, merci Hugo, merci les loups, merci les stagiaires, merci Cash également derrière le standard, Tijo. Bonne soirée, Yannick. Élève nos âmes, musicalement, mixement parlant. On vous souhaite une bonne soirée, on se retrouve demain sur Trace. Question de karma, avec chance et pouvoir. Tout ce que j'ai pas moi, jusqu'ici elle ne m'a fait aucun cadeau à part toi. Promesse mama, no drama. En t'a gardé pour faire fierté, y'a ouais ta papa. Mais rester sur le doigt, chemin n'est pas facile quoi moi. Donc si parfois je flanche, s'il te plaît pardonne-moi. Sorry mama, soyons honnêtes. Nous j'ai imparfait, mais la vie mal fait. Ton poignet crape, mon pied assis tout ton pep. Toi mal honnête, t'es pour nous rester correct. Mais la vie son chaîne, passons nous c'est traite, non pas son ni mou, mais qu'à agir qu'on bête, si on fait ça, on est capable. Ouais, pour ne y'a qu'un moi, en fait y'a qui a tête en moi. Yo ti m'en faut entrer à fond moi, mais ça qui fait belle péché, changer pour rien. Laissez vie en moi, mais à la chance, et vieux l'esprit qui guide moi. Ou cracher en main là qui roule et veut, alors ou goûter en fer en moi. Pas fait semblant ou aimer moi, c'est but en c'est de ruiner moi. Vérité pas carrée, caché, mais ça fait celle bonté qui te guide moi. Moi en fais pas, en fais pas, en fais pas laisser bayou, moi en fais pas là. Génération 97. Tout seul, tout seul, tout seul, moi ils ont mis en bien parano. Réussite à ou créer jalousie, ou fêter pour pas prier, et pas ça qui nègre. Papa dit moi sous tombé, ou levé ou côté à nos rats à rebelle. Ouais, pour les équerres en main, en fait y'a qui en tête en main. Yo dis moi faut entrer à compter moi, mais ça qui fait chèque péché, changer pour rien. Ouais, pour les équerres en main. On voyage, je m'en bats les couilles, je suis fire. Je vois que sur une plaque est taille. Je sais pas pourquoi je déraille. Perdre lunettes sur le sel. Millions de vues en 24 heures. Mon frigo n'a plus peur. Petit frère change de père. Un clip on les met en sueur. Et lendemain dans le bed. T'entends du PNL. T'entends du PNL. Jungle, elle s'envoie ravie. Et j'ai mes affaires du sud. sucre dans ma bouche amère. La mif sous un soleil plein. Tu touches, on touche le salaire. Du coup on fait ce qu'on peut, droit reste en chien, droit reste en chien.